J'aimerais pouvoir faire une introduction digne de ce nom de Leonardo Anselmi, mais je ne suis pas, je suis un traducteur et je ne sais pas quelle est dans l'organisation, s'il y a des gens ici qui ont participé à sa venue. Je ne vois pas les têtes en fait, qui seraient peut-être le plus impliquées. Leonardo, en fait, c'était Lise qui est depuis de nombreuses années qui participe au festival, qui a été là en début de. Donc Lise de France qui a insisté, elle devait venir l'année dernière et ça n'a pas été possible. Et du coup cette année il est là, je pense que... Est-ce que non soy capaz de presentarte muy bien? Me presento solo. Voilà, donc il a s'auto-présenté. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un intervenant précieux vu la discussion qu'on a eu ensemble hier soir. Je suis très content de pouvoir être... servir aux traducteurs. S'il y a des hispanophones dans la salle, toute rectification est bienvenue, sachant que je vais avoir un temps de chauffe. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de traduction, mais ça devrait aller. Mais si jamais voilà, je tarde, c'est toujours bien d'avoir forcément à plusieurs, on peut avoir des retours. Et donc n'hésitez pas, je ne serai pas susceptible si vous me reprenez sur un point de traduction, sachant que j'ai été très habitué à de traduire du français à l'espagnol. Et là, c'est, normalement, c'est ma langue native, mais ça va être d'autant plus facile, mais on ne sait jamais. Ok. Buenos días, y perdón que no hablo casi nada de francés, apenas unas pocas palabras. Bonjour, excusez-moi, parce que je ne parle pas, je parle à peine de français, si ce n'est quelques petits mots. Lo primero es, bueno, presentar... la organización que vengo a representar, en realidad presentarme a mí mismo no tiene mucho sentido, soy un activista por los derechos de los animales como cualquiera de ustedes. D'abord, je voudrais présenter l'association que je représente, parce que me présenter moi-même, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Je suis un militant, un activiste de la cause animale. Yo fui el portavoz o vocero, no sé qué palabra conoces. Oui, comment on va dire, portavoz, un porte-parole, voilà. De la plataforma PROU quiere decir basta en catalán, que fue la plataforma que consiguió la abolición de las corridas de toros en Cataluña. Voilà, j'étais porte-parole de l'association PROU, donc c'est un mot catalan qui veut dire basta, c'est donc ça suffit, on en a assez, en Catalogne, donc pour le moment, l'abolition de la corrida. Esta campaña que empezamos en Cataluña en realidad no era más que la construcción de una vieja dinámica de trabajo que había en el movimiento de los derechos de los animales en Cataluña. Esta campaña que en fait c'était la continuidad de la construcción de una campaña por los derechos de los animales, sino la continuidad de una campaña más larga. El movimiento de los derechos de los animales en Cataluña tiene una gran particularidad. Y hay una gran particularidad en el movimiento de los derechos de los animales en Cataluña. Es que las organizaciones en sí nos llevamos muy bien, tenemos muy buenas conversaciones, somos capaces de colaborar en algunos aspectos puntuales cuando vemos que podemos tener un resultado, cuando vemos que podemos conseguir un objetivo. Donc ça se passe assez bien entre les différentes organisations, on arrive à avoir un bon niveau de coopération, à bien discuter ensemble, à se mettre d'accord sur les points communs pour les différentes actions. Y esta especial particularidad fue la que nos permitió poder plantearnos ya no solo una campaña de protesta en contra de una actividad como puede ser la corrida de toros, sino una campaña para cambiar el status quo de legalidad de las corridas de toros, hacer que sean ilegales. Es esta particularidad que ha participado a nuestro éxito en la remise en cuestión. De ne plus se situer juste dans une campagne contre, mais vraiment dans une campagne pour un changement dans le statu quo de la légalité de la corrida. Porque tenemos que convenir que no es lo mismo sensibilizar a una persona para que no asista a una corrida de toros. Donc on doit se mettre d'accord sur le fait que c'est pas la même chose de sensibiliser une personne à ce qu'elle n'assiste pas à une corrida de taureaux, pour qu'elle boycotte un corrida. No es lo mismo eso que ir a un parlamento o una asamblea a intentar prohibirlo. No es la chose d'aller a un parlement y essayer de faire interdire. En el primer caso, en el caso de protestar o en el caso de sensibilizar a la gente para que no vaya, okay. Prácticamente podemos permitirnos hacer lo que nosotros queramos. Donc, voilà, dans la première situation, donc, qui est de sensibiliser, voilà, de sensibiliser sur la question, grosso modo, on reste, on peut faire ce qu'on veut. En el segundo caso, en el caso de intentar ir al sector político para prohibir una actividad. Dans la deuxième situation, quand il s'agit d'aller interdire auprès de los sectores políticos. En ese caso, hay que seguir unos métodos muy específicos y hay que tener un compromiso muy específico con la palabra mágica de todo esto, que es estrategia. Donc dans cette seconde approche, la méthode, el método, hay que tener un método, un sistema. Il faut avoir une méthode, un système. En función de la palabra mágica, que es la estrategia. Voilà, en función du mot magique, qui est stratégie. Estrategia, ¿qué quiere decir? Qu'est-ce que ça veut dire, stratégie? Estrategia quiere decir camino. Camino. Chemin. Camino. Une route. Exacto. Y la táctica son los pasos que damos dentro de ese camino, dentro de esa ruta. Et donc les tactiques sont les pas que l'on fait sur ce chemin, sur cette route, les différents pas. Generalmente, no siempre, pero generalmente. En général, pas toujours, mais de façon à peu près générale. El movimiento de los derechos de los animales tiene táctica, pero no estrategia. Il y a des tactiques, mais il n'y a pas de stratégie. ¿Qué quiere decir? Damos pasos, pero no sabemos exactamente bien por qué los damos. C'est-à-dire qu'on fait des pas, mais on ne sait pas exactement pourquoi on fait ces pas. Cuando hacemos una manifestación o una marcha o pegamos carteles o repartimos folletos, cuando hacemos una manifestación, qu'on colle des affiches, qu'on distribue des tracts, hein, nos tenemos que preguntar a qué responde esa acción, por qué estamos dando estos pasos. On doit se poser la question de à quoi répond cette action, pourquoi nous faisons ces actions-là. Y tenemos que tener en cuenta que si este es el camino, muchas veces podemos dar pasos fuera del camino. Et donc on doit se rendre compte que si ça c'est le chemin, souvent on peut se retrouver à faire des pas en dehors du chemin. Dar pasos no quiere decir caminar. Voilà. Donc faire des pas, ça ne veut pas forcément dire cheminer. Entonces, el primer sentido estratégico que tenemos que entender. Donc le premier sens stratégique que l'on doit comprendre. Es que el movimiento de los derechos de los animales. C'est que le mouvement pour le droit des animaux. Muchas reivindicaciones. A beaucoup de revendications. Nosotros queremos el fin de la experimentación en animales. Nous voulons la fin de l'expérimentation animale. Queremos el fin del consumo de carne. La fin de la consommation de la viande. Queremos el fin del uso de animales de compañía como si fueran objetos. La fin de l'utilisation des animaux de compagnie comme objet. Queremos el fin del uso de animales en circos. La fin des animaux dans les cirques. Y queremos el fin de las corridas de toros y muchas otras reivindicaciones. Voilà. Et la fin des corridas de toros et plein d'autres revendications. Algunas de esas reivindicaciones, solo algunas, cuentan con un apoyo popular y social muy amplio. Quelques-unes de ces revendications peuvent s'appuyer sur un soutien populaire assez large. Ese punto, el elemento de que esas reivindicaciones cuenten con mayor apoyo popular, nos obliga a tener que cambiar el enfoque estratégico. Le fait que certaines de ces revendications bénéficient de ce large soutien populaire nous oblige à changer notre approche du chemin. Effectivement. Entonces ahí tenemos, aquí hice un dibujo que Julián puso las palabras. Voilà, il y a eu un dessin, j'ai écrit les mots. Voilà, moi j'ai écrit les mots parce que c'est très dur à traduire. Aquí tenemos lo que es una ideología. Donc là, nous avons ce qu'on dit une idéologie. ¿Qué es una ideología? Es un conjunto de ideas. Voilà, une idéologie, c'est un ensemble d'idées. Exactement. Son muchas ideas sumadas. C'est plein d'idées additionnées. Exacto. Y aquí tenemos una diferencia entre lo que es un movimiento social. Donc là, la différence entre ce qu'est un mouvement social. Y una sociedad en movimiento. Et une société en mouvement. Son conceptos completamente diferentes. Son conceptos totalmente diferentes. Y el movimiento social y la sociedad en movimiento tienen comportamientos completamente diferentes. Voilà, entre le mouvement social ou la société en mouvement, il y a une différence de comportement radicale. Y aquí vas a tener problemas para traducir esto. Voilà, vamos a hacerlo. Existe una variable inversamente proporcional. Donc, il y a une variable inversement proportionnelle entre la cantidad de gente que apoya una cantidad de ideas. Entre la quantité de personnes qui appuient une quantité d'idées ou Una cantidad de ideas. Entre la quantité de personnes et la quantité d'idées, il y a un rapport inversement proportionnel. Los movimientos sociales somos pequeños grupos de gente. Le mouvement social, on est des petits groupes de personnes. Unidos por una gran cantidad de ideas en común. Voilà, on est unis par une grande quantité d'idées en commun. Le mouvement social, il y a, voilà. Ideología. Une idéologie. Los movimientos sociales tenemos ideología. Donc les mouvements sociaux, nous avons une idéologie. Pero en la medida que vamos eliminando ideas y dejando solo una idea. Donc au fur et à mesure que l'on supprime des idées dans l'idéologie et qu'on garde une seule idée, lo que nos encontramos es una sociedad en movimiento. Ce qu'on trouve là, c'est une société en mouvement. El comportamiento de un movimiento social, ¿cuál es? Le comportement du mouvement social, quel est-il ¿cuál suele ser? Actuellement. Hacer una marcha. Donc faire une manif. Pegar carteles. Distribuer des affiches. Repartir folletos. Distribuer des tracts. Enviar correos electrónicos de protesta. Faire des mails. Ser nuestras páginas web, etc. Faire un site web, etc. ¿Cuál es el comportamiento de una sociedad en movimiento? Quel est le comportement d'une société en mouvement? Es completamente diferente. C'est totalement différent. Un comportamiento de una sociedad en movimiento es una conferencia dentro de una universidad. Donc là, ce sera faire une conférence dans une université. Trayendo diferentes catedráticos especialistas en ciencia, en sociología, en ética. En invitant différents agrégés en sciences, en sociologie, etc. El comportamiento de una sociedad en movimiento es conseguir que además esa universidad envíe una carta a los diputados, a los senadores, a los gobernadores. Ce qui est en mouvement, c'est en plus réussir que cette université invite, enfin, envoie une lettre à quel nom de la carte? Al político. Ah voilà, au politique. Au politique. General. El comportamiento de una sociedad en movimiento es cuando una sociedad toda se moviliza, desde los sectores animalistas hasta los sectores menos animalistas, voilà. Cuando hay una postura mayoritaria a favor de una idea. Donc la société en mouvement va faire non seulement se bouger le secteur animaliste, mais tous les secteurs qui sont même les moins animalistes vont se bouger pour cette idée. Cuando estamos en un movimiento social, casi todos los esfuerzos que hacemos es en la movilización. Parce que tous les efforts que l'on fait dans le mouvement social, c'est de la mobilisation. Exacto. Cuando nos encontramos con una sociedad en movimiento, los esfuerzos se centran en la organización. Voilà. Alors que dans la société en mouvement, tous les efforts se centrent sur l'organisation. En la coordinación de los diferentes sectores sociales. Dans la coordination des différents secteurs sociaux. Cuando nos encontramos en este punto. Quand on se trouve sur ce point-là, tenemos que pensar cómo piensa, cuál es el cerebro, cuál es el pensamiento del sector político, del político. Voilà, on doit se projeter dans le secteur politique, comment ça fonctionne, comment il pense, comment fonctionne le secteur politique. El sector político le tiene miedo a otros políticos, un político le tiene miedo a otro político. Voilà, donc un politique, il a peut-être peur d'un autre politique. Normalmente, no. Normalmente saben cómo luchar entre ellos. No. En general, ils savent comment lutter entre eux. Entre ellos. El político tampoco le tiene miedo a un medio de comunicación, porque sabe que los medios de comunicación, algunos son a su favor y otros son en su contra, y siempre será así. Voilà, les politiciens, est-ce qu'ils ont peur des médias, des moyens de communication? Non, ils savent très bien qu'il y a certains médias qui vont être en sa faveur et d'autres médias qui vont être contre lui, et ce sera toujours comme ça. Enfin, toujours les... ¿A qué le tiene miedo entonces el político? Alors, pourquoi il a peur, le politicien? A la sociedad civil organizada. Il a peur de la société civile organisée. Le tiene miedo a la organización. Il a peur de l'organisation. prefieren 3.000 personas en una marcha, en una manifestación, ouais, tirando piedras contra la Asamblea Legislativa. Ils préfèrent voir 3.000 personnes en manifestation qui lancent des pierres contre l'Assemblée. Prefieren eso que 3 personas sentadas en una mesa organizándose. Ils préfèrent ça que 3 personnes assises à une table en train de s'organiser. Y esa es la grandísima diferencia entre los movimientos sociales y las sociedades en movimiento. Ça, c'est la plus grande différence entre le mouvement social et la société en mouvement. El político, que es el que tiene que tomar la decisión final de si algo puede seguir siendo legal o ilegal. Le politicien, qui est celui qui doit prendre la décision finale de décider si quelque chose est légal ou illégal. Debe sentir más miedo de una sociedad en movimiento que de un movimiento social. Doit ressentir beaucoup plus de peur face à une société en mouvement qu'à un mouvement social. Por una simple cuestión, ¿de qué vive el político? Pour une simple question, de quoi vit le politicien? De quantité. De quantité. Merci. De cantidades. ¿Eh? Ellos viven de las cantidades. Esto es poca cantidad. Donc, y esto es mucha cantidad. Voilà. Le mouvement social, c'est peu de quantité, alors que le super mouvement, c'est beaucoup. Esto es peso social. Aquí tenemos poco peso social. Y aquí tenemos mucho peso social. Le poids social. Dans un cas, peu de poids, et dans l'autre, beaucoup de poids. Y en definitiva, ¿cómo nos ven los políticos a nosotros, a los civiles? ¿Cómo nos voit-il les politiciens, les citoyens, les civils? ¿Nos conocen por nuestros nombres? No. ¿Saben quiénes somos, a qué escuela fuimos, qué estudiamos? No. ¿Es que nos conocen por nuestros nombres, cómo se appelle, a qué escuela hemos ido, etcétera? No. Ningún político sabe que Julián es un chico simpático. Personne ne sait que Julián es un garçon sympathique. Aucun politicien ne sait. No nos conocen personalmente, no saben quiénes somos. Ils ne nous connaissent pas de façon personnelle, ils ne savent pas qui nous sommes. Solo ven una cosa de nosotros. Nuestro comportamiento. Notre comportement. Por lo cual, es urgente que el movimiento que pretende abolir las corridas de toros cambie de comportamiento. C'est pour ça que c'est très important que le mouvement qui prétend à l'abolition des corridas de taureaux change de comportement. Et pour changer de comportement, il y a deux choses fondamentales. Il va devoir changer deux choses fondamentales. Una, discurso. Et deux, acciones. D'abord le discours et ensuite les actions. Donc, aujourd'hui, je les quiero hablar de comment nosotros en Catalunya cambiamos nuestro discurso. Donc, aujourd'hui, vous parlez de comment en Catalogne nous avons changé notre discours. Y esto fue un punto muy importante. Et là, ça a été un point très important. Históricamente, las corridas de toros se defendían mediante argumentos muy clásicos. Donc, historiquement, les corridas de toros se défendaient avec des arguments très clásicos. Por ejemplo, decían que la corrida de toros es cultura, voilà, es tradición. La tradition, que el toro de Lidia podía extinguirse si no se hacían corridas. Que el toro de Lidia, el toro de Cuba, podía s'éteindre si no faisait plus de corrida. También se decía, o se dice todavía, que es un arte y que por eso tiene que ser preservado. Si on disait, si on dit toujours que c'était un art qui devait être préservé. También llegaron a decir que había miles y miles de puestos de trabajo detrás de las corridas de toros. Ils arrivaient aussi à dire qu'il y avait des milliers d'emplois derrière les corridas. Y luego otros argumentos como que muchos pintores y escritores y músicos se inspiraron en la corrida de toros. Voilà, que beaucoup de peintres, il y avait aussi beaucoup d'artistes, d'écrivains qui s'inspiraient des corridas de toros. Casi todos esos argumentos, menos uno, que es el que corresponde al de los puestos de trabajo. Parce que tous ces arguments, sauf celui des postes de travail, les emplois générés par. Son argumentos que sirven para explicar la tauromaquia, pero no para justificarlo. Son des arguments qui sont utilisés pour juste pour expliquer la tauromachie, mais pas pour la justifier. Efectivamente. Lo que hacen esos argumentos es explicarnos por qué en el siglo XXI todavía existe la tauromaquia. Alors, ça nous explique pourquoi, toujours au XXIe siècle, la tauromachie continue d'exister. Efectivamente. Entonces, el resto de argumentos que sirven para explicar una actividad no sirven para justificar que esa actividad tenga que seguir sucediendo. Donc les arguments qui expliquent la tauromachie ne servent pas à justifier la tauromachie. Entonces, ¿cuál es el mejor engaño que hicieron los taurinos a los antitaurinos? ¿Cuál puede ser? Quelle est la meilleure tromperie, ouais. Comment ils ont trompé les taurins, enfin les pro-corridas? Ellos lo que hicieron fue engañarnos para que nosotros entremos a debatir de argumentos que no son importantes. Donc là, ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont trompés pour qu'on rentre sur le débat, ces questions-là. Los debates de taurinos y antitaurinos antes eran es cultura, no es cultura, es cultura, no es cultura. Avant les débats c'était entre les pro-corrida et les anti-corrida, c'est la culture, non, c'est pas la culture, c'est culturel, non, c'est pas... La pregunta que nosotros nos hacíamos es, ¿eso qué importa? ¿Qué importa que algo sea cultura? ¿Qué importa que algo sea tradición? Il dit ça va, qu'est-ce que ça importe que ce soit culturel, que ce soit la tradition? La cultura no es algo ni bueno ni malo, simplemente es la repetición de actos que otros hicieron antes que nosotros. Bueno, la cultura no es ni bien ni mal, es justo la repetición de acciones, de actos que han sido hechos antes. Simplemente la cultura es una forma de funcionamiento social inevitable. Voilà, c'est une forme, la culture es una forma de funcionamiento social inevitable. Que algo sea tradición tampoco justifica que se tenga que seguir haciendo. Cientos de miles de tradiciones se han dejado de practicar. Voilà, donc il y a le fait que quelque chose soit une tradition, ça ne veut pas dire qu'on doit continuer de la faire. Il y a 100 000 traditions, des faits traditionnels qui n'ont plus lieu. Por lo cual, teníamos que urgentemente dejar ese debate, olvidarnos de ese debate y decir, sí, es cultura, es tradición, da igual. C'est pour cela qu'il fallait de façon urgente complètement laisser ce débat, ce questionnement de si c'était culturel ou traditionnel. Le débat qu'on devait poser era si nuestra sociedad todavía puede seguir permitiendo espectáculos que fomentan la violencia. Était de savoir si notre société pouvait continuer d'encourager les spectacles qui sont à la source de violence. Nosotros presentamos muchos estudios, cerca de 25 estudios diferentes. Donc on a présenté presque beaucoup d'études, presque 25 études qui ont été faites. Que relacionan la violencia interpersonal con la violencia hacia los animales. Qui mettent en relation la violence interpersonnelle et la violence envers les animaux. Y algunos estudios además específicos. Quelques études spécifiques. Que muestran que cuando la violencia hacia los animales se vuelve espectáculo, que quand la violence envers les animaux devient spectacle, y se proyecta socialmente, como todo espectáculo, un espectáculo es una proyección social, qui se projette socialement, comme tout spectacle, qui est une projection sociale, cuando eso sucede, eso perjudica a toda nuestra sociedad. Et donc, quand ça se produit, ça c'est pernicieux, c'est néfaste pour toute la société. Por lo cual, nuestro argumento era, la tortura de ese animal también tortura a nuestra sociedad. Voilà. Donc, notre argument, c'est que la torture de cet animal, ça torture aussi notre société. Entonces, con ese argumento, cambiaron radicalmente las reglas de juego. Donc, avec cet argument, les règles du jeu ont radicalement changé. Los taurinos se quedaron prácticamente sin argumentos de defensa. Ellos jamás encontrarán un psiquiatra o un psicólogo de buen prestigio como los que nos hicieron los estudios a nosotros. Les pro-corridas étaient quasiment sans argument face à cela, et ils étaient incapables de trouver un psychiatre ou quoi que ce soit, une étude pour montrer que. Los psiquiatras que la violencia. Sí, exacto. Que venga a decir que la violencia hacia los animales es buena para los niños. Bueno, dire que la violence envers les animaux soit bonne pour les enfants, par exemple. Por lo cual era un debate absolutamente ganado por nuestra parte antes de empezar a hablar. Même avant de commencer à parler, ce débat-là était gagné d'avance. Desde ese punto de vista, los taurinos se inventaron un argumento nuevo. Donc, de ce point de vue-là, les taurins, comment on dit, les taurinos, Les toreros. Ouais, c'est ça ce que je disais, hein, mais je voulais voir si avec les Procorrida, ils ont. Les aficionados, les Procorrida, ils ont créé ils ont trouvé un nouvel argument, un nouveau point de vue. Y este argumento se basaba en que la prohibición de las corridas de toros vulneraba la libertad individual del aficionado a ir a la corrida. Voilà, donc ils ont dit que l'abolition de la corrida, ça fragilisait la liberté de l'aficionado à aller. Y entonces ellos pensaban que nosotros íbamos a decir no, no se coarta la libertad individual. Et donc ils pensaient qu'on allait répondre sur le mode, non, on n'empiète pas sur la liberté individuelle. Pero nosotros dijimos sí, y es normal. Voilà. Mais la réponse c'est oui, on empiète sur la liberté individuelle, et c'est normal. Porque la libertad individual parte, nace en lo que la sociedad considera correcto y lo que no. Voilà, parce que la liberté individuelle, elle naît, elle commence là où la société considère correcto, está bien, o está mal. Considère ce qui est correct, ce qui est bien, ce qui est mal. Ustedes saben que a ningún antropocentrista le gusta que nosotros pongamos ejemplos humanos para referirnos a los animales. Bon, c'est très bien, en général, il n'y a aucun anthropocentrique qui aime que qu'on... No le gusta que pongamos ejemplos voilà, relacionando humanos con animales. On met des exemples en relation avec les animaux, voilà, par rapport aux humains. Pero tenemos un muy buen ejemplo en los animales, y es que las peleas de perros están prohibidas. On a un très bon exemple dans les animaux, c'est que les combats de chiens sont interdits. Y entonces se vulneró la libertad individual de quienes les gustaban las peleas de perros cuando se prohibieron las peleas de perros. Donc quand on a interdit les combats de chiens, on a bel et bien fragilisé, empiété sur les libertés individuelles de ceux qui aimaient les combats de chiens. En un debate, a un taurino se le ocurrió decirme que si fuera por él, volverían a estar permitidas y que cada uno haga lo que quiera. Y hay un pro corrida que ça lui est, il s'est dit, tiens, bah oui, on aurait dû maintenir les combats de chiens, parce qu'on avait entamé la liberté. Y entonces, me lo dejó muy fácil. Et donc, il a laissé la part facile, quoi. Yo le dije, el que está 30 años atrasado es usted, no yo. Celui qui est 30 ans arriéré, c'est vous, c'est pas moi. Il était pour revenir sur l'interdiction de ces combats-là. Él es usted el que va en contra de nuestra época. Todos los seres humanos estamos de acuerdo con que se haya prohibido la pelea de perros. C'est vous qui allez à l'encontre de notre époque. Tout le monde est d'accord sur le fait que les combats de chiens soient interdits. Entonces, digamos como que el argumento de la libertad individual. Donc l'argument de la liberté individuelle. Es el nuevo argumento taurino. C'est le nouvel argument anti-taurin. No, taurino. Exacto. Y es el único argumento que hasta el momento han encontrado. Es el seul argumento que ellos han encontrado hasta présent. Para oponerse a una posible prohibición de las corridas de toros. Pour s'opposer à l'éventuelle interdiction des corridas de toros. Por lo cual es el argumento que yo recomiendo que se sepa responder de mejor forma. C'est pour cela que j'encourage que soit le à cette argumentation-là qu'on doit apprendre à répondre. Entonces, yo les voy a decir cómo lo suelo responder yo. Donc là, moi, je vais vous dire comment j'y réponds. A este argumento. Miren, la libertad es una palabra que a los seres humanos nos genera cogniciones positivas. Donc la liberté, c'est un mot qui, pour nous, êtres humains, génère quelque chose d'assez positif, liberté. ¿Por qué? Pourquoi? Igual que la palabra regalo, que la palabra caricia. Comme le mot cadeau, le mot caresse. La palabra esperanza. Le mot espoir. Porque las palabras encierran un concepto. Parce que les mots contiennent un concept en fait. Lo que nos genera cogniciones positivas es cómo nosotros relacionamos esa palabra con ese concepto. Ce qui nous génère une cognition positive, c'est effectivement l'application du mot, du concept. Si la libertad individual fuera absoluta. Si la liberté individuelle était absolue. Si no hubiera un límite para la libertad. S'il n'y avait pas de limite pour la liberté. Todos tendríamos una condición, una cognición negativa de la palabra libertad. On aurait tous une cognition négative de la mot liberté. ¿Por qué? Il aura une connotation, je crois bien. Sí, una connotación negativa. Une connotation négative. ¿Por qué tendríamos una negatividad de la palabra libertad? Pourquoi on aurait donc une négativité du mot liberté si on pas. Porque tendríamos miedo de la libertad del otro. Parce qu'on aurait peur de la liberté de l'autre. Miedo de la libertad de robarme, de matarme, de violarme. De la liberté qu'on puisse me voler, qu'on puisse me tuer, qu'on puisse. En realidad, la libertad se ha limitado porque el ser humano no supo comportarse de manera ética con otros seres humanos y con los animales. En fait, la liberté a été limitée parce que l'être humain ne pouvait pas se comporter de façon éthique envers les uns et les autres. Por lo tanto, si nosotros no hubiéramos protegido la libertad en ese sentido, hoy la libertad no sería un valor. Si on n'avait pas protégé et limité comme ça la liberté, aujourd'hui la liberté ne serait pas une valeur, ne serait pas. Por lo cual, los verdaderos enemigos de la libertad. Pour cela, les véritables ennemis de la liberté. No somos quienes queremos limitarla para garantizar que siga teniendo connotaciones positivas. Ne sont pas ceux. No son quienes queremos limitarla. Ce ne sont pas ceux qui veulent la limiter. Para garantizar. Pour garantir. Que siga teniendo connotación positiva. Pour garantir le fait qu'elle continue d'avoir des connotations positives. Le fait de limiter le concept de liberté, ça lui donne cette connotation positive. Los enemigos de la libertad son quienes la quieren utilizar para justificar todo tipo de perversiones. Donc les ennemis de la liberté sont ceux qui veulent l'utiliser pour justifier toutes sortes de perversions. Porque nosotros estamos limitando una pequeña parte de la libertad, que es no ir a corridas de toros. Parce que nous on veut juste limiter une petite partie de la liberté qui est le fait de ne pas aller voir des corridas de toros. Si en cambio ellos lo que harían es destrozar por completo el concepto de la libertad. Alors que eux, ce qu'ils feraient, c'est détruire complètement le concept de liberté. La libertad sería un problema para los seres humanos. La liberté deviendrait un problème pour les êtres humains. Si se entendiera como la entienden ellos. Si on la comprenait comme eux ils la comprennent. Entonces este es el argumento más importante. Donc ça c'est l'un des arguments les plus importants. Y lo mismo pasa con el argumento del arte. Et c'est la même chose qui se produit avec l'argument de l'art. Prohibir las corridas de toros es una forma de proteger al arte. Donc interdire les corridas de toros, c'est une façon de. De proteger. Voilà, de protéger. Al arte. L'art. El arte. ¿Por qué? Para que no sea utilizada para justificar perversiones. Pour que ce ne soit pas utilisé pour justifier les perversions. Estos argumentos son importantes tenerlos en cuenta. Donc c'est important de prendre en compte ces arguments. Porque la batalla taurina antitaurina es una batalla de argumentos. Porque la batalla pro et anti corrida c'est une bataille d'arguments. Para finalizar y luego entraremos ya en una fase de preguntas y. Donc pour finaliser, ensuite on va rentrer dans une phase de questions-réponses. Preguntas e insultos. Et voilà. Questions et insultes. Me gustaría plantearles un pensamiento, digamos. J'aimerais vous planter, vous poser une pensée. Sí, para que ustedes reflexionen sobre las estrategias que tiene que seguir. Sobre las estrategias que tiene que seguir el movimiento animalista. Especialmente en función de lo que tiene que ver con corridas de toros. Donc, que le mouvement animaliste devrait suivre, spécialement pour le combat anti-corrida. Y en otros ámbitos donde la mayor parte de la sociedad apoya nuestras reivindicaciones. Dans d'autres milieux où la majeure partie de la population soutient nos idées. Es fundamental hacer lo que hicieron los taurinos. C'est fondamental de faire ce que. En Francia. Les pro-corridas en France. Política. De la politique. Nosotros hacemos muy poca política. Et nous autres faisons très très peu de politique. Muchas veces hay personas que son contrarias. Souvent il y a beaucoup de personnes qui sont contrarias, en contra de usar la política, qui sont opposés au fait d'utiliser d'aller vers la politique. Pero esas personas a veces organizan una marcha. Quand ces personnes, souvent pourtant ces personnes organisent une manifestation. Y cuando uno organiza una manifestación, una marcha, una protesta, ¿a quién le está pidiendo la abolición de las corridas de toros? ¿A San Pedro? Quand quelqu'un organise une manifestation, etc., à qui il demande l'abolition d'une pratique, enfin de la corrida à Saint-Pierre? No. Cuando hacemos una manifestación pidiendo la abolición, se la estamos pidiendo a la policía. Non, quand on fait une marche, quand on fait une manifestation, on s'adresse aux politiciens. Por lo cual, eso ya es hacer política. Donc ça, c'est déjà faire de la politique. Lo que pasa es que de una forma no estratégica. Mais c'est d'une façon non stratégique. Por lo cual, el desafío que yo le quiero plantear a ustedes. Donc le défi que je vous propose. Es que para avanzar. C'est que pour esta materia. Dans cette matière. Se decidan a hacer un activismo radicalmente político. C'est qu'on décide de faire un militantisme radicalement politique. Una vez me reuní con un grupo de activistas muy jóvenes. Une fois, je me suis rassemblé avec un groupe de militants très jeunes. Y recién terminábamos de hacer una marcha, por lo cual estaban todos muy enérgicos. Donc, on venait juste de faire une marche, une manifestation, donc c'était tous très très plein d'énergie. Y debo decir que son grandísimos activistas muy comprometidos que trabajan muchas horas. Donc, c'est des militants très très impliqués qui travaillaient beaucoup d'heures, qui étaient très consacrés à cette cause. Entonces les pregunté, ¿quién de todos ustedes está dispuesto a perder incluso su propia libertad? Je leur ai demandé qui d'entre vous serait prêt à perdre même sa propre liberté. Pour conseguir la libertad de los animales. Pour obtenir la liberté des animaux. Todos dijeron que estaban dispuestos. Donc ils ont tous dit qu'ils étaient disposés à faire ça. Luego les pregunté quiénes estaban dispuestos a poner en riesgo su propia integridad física. Qui était prêt à mettre en péril sa propre intégrité physique. Con tal de evitar el sufrimiento de los animales. Pour éviter la souffrance des animaux. Y todos estaban dispuestos. Et ils étaient tous prêts à le faire. Y luego les pregunté quiénes estaban dispuestos a sacarse los piercings, cortarse el pelo, ponerse un traje, ir a defender a los animales en un parlamento. Et là, j'ai demandé qui était prêt à enlever ses piercings, se couper les cheveux, mettre un costume pour aller au Parlement. Entonces, se miraron entre ellos. Et là, ils se sont regardés entre eux. Y me miraron y dijeron, bueno, yo no. Bueno, moi non, les tatouages, machin. Entonces, les pregunté que muchas veces tenemos que pensar si lo que estamos defendiendo es a los animales o una postura. Donc, il faut savoir ce qu'on défend, si c'est vraiment les animaux ou si c'est une posture. Por eso es muy importante. Pour ça que c'est très important. Plantearnos que el camino de la política no es un camino malo. Donc, de dire que le chemin politique, c'est pas un chemin qui soit mauvais. No es un camino contaminado. C'est pas un chemin pollué. No todos los políticos son iguales, aunque mucha gente lo diga. Tous les politiciens ne sont pas pareils, même si on a plein qui disent que c'est la même chose, c'est pas tout ce que même. La pregunta que tenemos que hacernos es si nuestro lenguaje es interesante para esas personas. Voilà, ce qu'on veut se demander, c'est est-ce que notre langage il est intéressant, y compris par les politiciens. Es muy importante que hablemos un código político. C'est très important qu'on parle un code politique. Porque es lo que está pasando en este momento. Si no estuviera Julián, ustedes a mí no me entienden. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Si Julien n'était pas là, vous ne comprendriez pas. ¿Por qué? Porque yo uso otro código, el Parce código español. Parce que j'utilise un autre code, le code espagnol. Pues dentro de un mismo idioma hay muchos códigos. Et au sein d'une même langue, il y a beaucoup de codes. Está el código científico. Le code scientifique. Está el código educativo. Le code éducatif. El código sociológico. Le code sociologique. Y el código político. Et le code politique. Hay una forma de hablar para que esa gente nos entienda mejor. Il y a une façon de parler pour que ces personnes-là nous comprennent mieux. Es imprescindible. C'est indispensable. Indispensable. Utilizar esos códigos para poder comunicarnos. Utiliser ces codes pour nous faire comprendre. Y recuerden una cosa. Souvenez-vous d'une chose. Siempre que quieras introducir información nueva en un cerebro. Una d'une formation nueva. Dès que vous voulez introduire une nouvelle information dans un cerveau, tienes que partir de información que ese cerebro ya tiene. Vous devez partir de, des informations qui sont déjà présentes, qui sont déjà dans votre cerveau. Nunca puedes introducir información 100% nueva en un cerebro. Vous ne pouvez pas introduire des informations 100% neuves. Las puertas del cerebro están cerradas a información 100% nueva. Les portes du cerveau sont fermées à une information 100% nouvelle. Eso se llama consonancia cognitiva. C'est ce qu'on appelle la consonance cognitive. Consonance. Consonance. La dissonance est le contraire. Voilà, la dissonance est le contraire. Voy a poner un ejemplo. Ya con esto termino. La résonance. Si yo estoy escuchando la RAE, donc, si j'écoute la radio, je vais donner un exemple. Y estoy haciendo cualquier otra cosa mientras escucho la radio, estoy mirando mi móvil. Et en écoutant la radio, je fais autre chose, je regarde mon portable, je consulte. Y el locutor de radio dice, usted que está escuchando la radio y está mientras tanto jugando al tenis. Et donc celui qui est à la radio qui parle, il dit, voilà, vous qui êtes en train d'écouter la radio, qui êtes en train de jouer au tennis en écoutant la radio. A mí eso no me va a llamar la atención. Donc lui, ça va pas lui attirer l'attention, ça va pas. Pero si el que está en la radio dice usted que tiene una camiseta que pone vegan y un gorro negro y está mirando el móvil. Si quelqu'un qui a la radio dit vous qui êtes qui portez un t-shirt noir avec le mot vegan qui est un chapeau et que vous êtes en train de regarder votre portable, là. Wow. Wow. Te llama la atención. Enseguida. Todo lo que estés haciendo lo dejas y dices qué ha pasado ahí, o sea, ¿por qué ha pasado eso? Ça nous captive, et là on arrête de faire tout ce qu'on est en train de faire, on se dit mais pour comment ça se fait que ça s'est passé? Porque me ha dado una información que yo ya tengo. C'est parce que ça m'a donné une information que j'ai déjà. Cuando hablamos del consumo de carne, por ejemplo. Quand on parle de la consommation de viande, par exemple. Y hablamos de cuestiones que tienen que ver con la ética. Et qu'on évoque des questions en relation avec l'éthique. Hein. Las personas con tendencia al pensamiento ético nos van a escuchar. Les personnes qui ont une tendance vers le questionnement éthique vont nous écouter. Pero si hablamos con un ecologista, probablemente la primera información que le tenemos que dar es que la ganadería es una industria contaminante. Y luego le explicaremos la ética. Et si on s'adresse forcément à un écolo, la première information qu'on doit donner pour attirer l'attention, ça va être une information que le bétail est une industrie extrêmement polluante. No se trata tanto de la información que vamos a dar, sino de decidir muy bien cuál es la primera información. Il ne s'agit pas de savoir l'information qu'on va donner, mais de savoir quelle est la première information qu'on va donner. Y la pregunta que yo me hago ahora es, estudiar bien nuestra forma de dar un discurso, ¿es mentir? ¿Es engañar? No. Es simplemente ordenar la comunicación. Est-ce que bien étudier notre façon de mener un discours, est-ce que c'est tromper, est-ce que c'est mentir? Non, c'est organiser la comunicación. La comunicación. Voilà. Simplemente es eso, organizarla de forma estratégica. L'organiser de façon stratégique. Algo que nuestro contrincante, el pro corrida, voilà. Algo que notre opposant, le pro corrida, hace perfectamente. Qu'il accepte parfaitement, qu'il puisse totalement accepter. Perfectamente. Voilà, parfaitement d'accord. Aunque a nosotros nos parezca, nosotros nos reímos, lo que dice, qué malo. No, no es malo, es muy bueno porque están ganando. O sea, la corrida hoy en día es legal. Bueno. Cuando nosotros los escuchamos hablar, nos reímos de sus argumentos. Voilà, quand on écoute parler un pro corrida, on va rire de ses arguments. Exactamente, nos parecen que son muy malos y que no tienen razón. Y nous sont vraiment mauvais, ils ont vraiment pas raison. Pero yo creo que son muy buenos porque ellos están ganando. Mais moi je crois qu'ils sont vraiment bons parce qu'ils gagnent. Pour l'instant, la corrida est toujours légale. ¿Por qué están ganando? Porque las corridas siguen siendo legales en el siglo XXI. Au XXIe siècle, ça continue d'être légal de faire la corrida. Donc c'est eux qui gagnent. Donc. Por lo cual, tenemos que reconocer que están ganando. Donc pour cela, on doit reconnaître qu'ils gagnent. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿por cuánto tiempo nos van a ganar? Voilà, la cuestión que vas a poder es ¿por combien de temps ils vont gagner? Y esa es la pregunta. ¿Las corridas de toros se van a abolir? Voilà, c'est la question. Les corridas de toros vont être abolis. Pero depende de nosotros cuándo. Mais ça dépend de nous, savoir quand l'abolition va avoir lieu. Por último, finalement, decirles que en este proceso que vivimos en Cataluña. Alors dans ce processus que nous avons vécu en Catalogne, nous avons. Yo aprendí personalmente aprendí muchas cosas, muchísimas. J'ai appris énormément de choses. Yo no vengo del movimiento animalista de toda la vida. Yo hace 6 años que estoy en esto. Donc, je ne viens pas du mouvement animaliste depuis toute ma vie. Hein. Ça va faire 6 ans que je suis vraiment impliqué. Antes era consultor de marketing estratégico para empresas. Avant, j'étais consulteur pour le marketing stratégique pour les entreprises. Mi vida es un cambio muy grande y muy importante, pero aprendí mucho. Ma vie est un changement radical, mais j'ai beaucoup appris. Y una de las cosas que aprendí. Et une des choses que j'ai appris. Es, antes, cuando yo era pequeño, mi madre me decía. Avant, quand j'étais petit, ma mère me disait. Que yo era muy cabezón, no sé, muy empecinado. Il était très cabezón, que era muy empecinado y que eso era un defecto. Il était très obstiné et que ça c'était un défaut. Sa mère lui dit. Yo aprendí que es la única virtud que tengo. Et là, il a appris qu'en fait c'est la seule vertu qu'il a, d'être têtu. Porque cuando la gente me dice qué bueno lo que conseguiste en Cataluña, yo no conseguí nada. Les gens disent ah c'est super ce que t'as obtenu en Catalogne, mais moi j'ai rien obtenu. De lo único que se me puede acusar. La seule chose qu'on puisse. De ser cabezón. M'accuser c'est que j'étais têtu. Obstiné. Por lo cual a todos ustedes en esta lucha animalista, en cualquiera que sea el ámbito, yo no solo trabajo en las corridas de toros. Cualquier sea el domaine que vous dans lequel vous impliquiez dans le domaine animal, que ce soit pas seulement la corrida, bien sûr. La única diferencia en mi caso con la corrida es que conozco muy bien al enemigo. Donc la seule différence c'est que dans la corrida, moi je connais très bien l'ennemi. Pero a todos ustedes les deseo primero mucho acierto. Donc je vous souhaite à tous beaucoup d'acierto. Acierto, o sea, beaucoup de... una buena forma de pensar. Buen raciocinio. Ouais, beaucoup d'assurance. Ouais. En segundo lugar, les deseo mucha valentía. Beaucoup de courage, valentía. Y en tercer lugar, les deseo mucho empecinamiento, et mucha cabezonería. Beaucoup d'obstination, beaucoup de. Ouais. Así que bueno, ahora dejamos un poco para las preguntas. Voilà. Là, on va laisser un peu l'espace des questions. Le micro pour les questions. La corrida est prohibée en Catalogne. La corrida est aussi prohibée. J'ai eu dans les tuyaux qu'une loi nationale en Espagne qui avait la possibilité de remettre la corrida en Catalogne. La possibilité de que volviera esta corrida en Catalogne. Ok, hay una tramitación, hay un trámite. Ouais, il y a une démarche, un protocole. Exacto, un trámite que empezaron los taurinos. Que donc, ont commencé les pro-corridas. En toda España, para declarar las corridas de toros bien de interés cultural. Pour, donc, au niveau national, que ce soit déclaré comme un bien d'intérêt national. Ellos creen que eso hará que las corridas vuelvan a Cataluña. Ils croient que ça permettra aux corridas de revenir en Cataluña. Bueno, lo creían, ya no. Ils le croyaient, non, ça y est, ils y croient plus. El 11 de julio. Le 11 juillet. Yo tuve que comparecer en el Parlamento de España. Il a dû comparaître au Parlement espagnol. Fui invitado por los diputados para explicar nuestra versión. Il a dû expliquer aux députés parlementaires leur version. ¿Y qué pasó ese día? Ese día anunciamos en esa comparecencia que nosotros vamos a responder con otra iniciativa legislativa popular en toda España. Et donc ils ont répondu ce jour-là qu'ils allaient répondre à cela par une autre initiative, una iniciativa legislativa populaire à cette proposition. Los taurinos juntaron 500.000 firmas. les pros Corrida ont rassemblé 500 000 signatures. Y eso es muy bueno. Donc ça c'est très bien. Porque nosotros vamos a juntar 2 millones. Parce que nous on va en rassembler 2 millions. Y vamos a presentar esos 2 millones de firmas unos meses, unos pocos meses antes. Et ils vont présenter ces 2 millions de signatures quelques mois avant de las elecciones del año 2015. Des élections 2015. Por lo cual lo que pretendemos hacer es decirle a los políticos. Donc avec cela on va faire que nos tienen que tener miedo a nosotros y no a ellos. On va donc passer le message que les politiciens ils ont plutôt intérêt à avoir peur de nous que des pro-corrida. El miedo va a cambiar de bando. Le peur va changer de camp. Nuestra ILP no es una ILP para prohibir las corridas de toros en toda España. ¿Nuestra qué? Nuestra iniciativa legislativa popular, perdón. Iniciativa legislativa popular, ILP, ILP, ce n'est pas. No es para prohibir todo. Ce n'est pas d'interdiction totale. Hemos sido más pragmáticos. On a été plus pragmatiques. Y vamos a pedir otras cosas, como por ejemplo el fin de las subvenciones públicas. On a demandé autre chose, c'est-à-dire la fin des subventions. ¿Pourquoi? Porque las corridas de toros en este momento, la tauromaquia en ce moment et les corridas de toros, es como un cuerpo en estado vegetativo. C'est comme un corps en état végétatif. Conectado a un respirador automático. Connecté à un respirateur, une machine pour respirer. ¿Qué son las subvenciones públicas? Qui sont les subventions publiques. Si le quitamos el respirador automático. Si on enlève cette machine respiratoire. No podrán usar el argumento de la libertad individual. On n'aura pas besoin de parler de cet argument de la liberté individuelle. Además, vamos a pedir también la prohibición de la entrada de menores a plazas de toros. On va demander l'interdiction de l'accès aux mineurs dans les corridas. Tenemos una campaña que se llama Infancia sin violencia. Donc on a une campagne qui s'appelle Enfance sans violence. La pueden encontrar en internet. Puede la trouver sur internet. Lo que intentamos es justamente justificar por qué los menores tienen que estar apartados completamente de la tauromaquia. On justifie pourquoi les mineurs doivent rester éloignés de toute tauromachie. Los menores hoy en día tienen prohibida la entrada a ver películas donde la violencia es ficción. Aujourd'hui, les mineurs n'ont pas accès à des films qui c'est de la science-fiction, qui sont des films violents, qui sont fictifs. Ils n'ont pas accès à ça au cinéma. Sin embargo, los llevamos a un lugar donde la violencia es de verdad. Pourtant, on les emmène dans un lieu où là, la violence elle est réelle. Donde mueren animales y donde puede morir una persona. Où meurent des animaux et où peut mourir une personne. Entonces también vamos a poner este tema dentro de nuestra iniciativa. Donc dans cette initiative, on va introduire aussi ce y una serie de pequeñas reivindicaciones más. Une série de petites revendications supplémentaires. Por lo cual estamos muy contentos en este momento los activistas en España. Donc là, c'est pour cela qu'on est assez contents en ce moment des militants espagnols. Ya somos cientos y cientos de organizaciones que nos hemos sumado a esta iniciativa que se llama Pan y Toros. On est des centaines et des centaines d'associations, d'organisations à s'être intégrées à cette initiative qui s'appelle Du Pain et des Taureaux, en référence. Como Pan y Circo. Voilà, des pains, du pain et des jeux. Y es un poco para mostrar las políticas que está haciendo este gobierno en España, donde por un lado hay crisis. Y por otro lado siguen invirtiendo dinero en corridas de toros. Donc c'est pour montrer comment fonctionne encore ce gouvernement qui d'un côté est en crise et continue d'alimenter la corrida. Por lo cual hemos logrado este año hemos logrado lo que no se había gracias a los taurinos que piensan devolver las corridas a Cataluña. Gracias. Cette année grâce à ces pro-corrida qui ont pris cette initiative. Hemos llevado el debate de Cataluña a Madrid. On a ramené ce débat de Catalogne à Madrid. Y hemos tenido a todos los partidos de izquierda de nuestro lado. On a eu tous les partis de gauche de notre côté. Que nunca habían estado de nuestro lado. Qui jusqu'à présent n'avaient jamais été du côté anticorrida. Por lo cual todo pinta muy bien en este momento para el movimiento taurino en España, aunque tengamos que esperar unos años. Donc c'est plutôt une bonne gueule. Así que bueno, iremos trabajando. Voilà, donc on va continuer de travailler. Alors, Yves. Et moi, j'aurais bien aimé savoir comment concrètement ils ont obtenu les premiers résultats en Catalogne et comment ils ont réussi à faire changer de discours et de stratégie le mouvement animaliste espagnol catalan. Saber cómo han obtenido los primeros éxitos y cómo lograron hacer a cambio de discurso y estrategia a los animales. Nosotros usamos una teoría sociológica que se llama la teoría de la espiral. Donc nosotros utilizamos una teoría sociológica que se llama la teoría de la espiral. J'ai peut-être zappé un truc. Cuando llegamos al movimiento animalista, un grupo de personas, nos dimos cuenta. Cuando llegamos al movimiento animalista, un grupo de personas, nos dimos cuenta. Que íbamos a las manifestaciones, a las marchas. Cuando había manifestación o marcha. Y nos encontrábamos activistas insultando a los taurinos, tirando tomates. On se trouvait donc entre militants et on insultait les pro corrida et on jetait des tomates. Era una lucha tremenda, una falta de respeto además a la gente que entraba. Et c'était une lutte terrible, avec un manque de respect, donc forcément des gens qui rentraient dans les arènes de corrida. Los argumentos eran malísimos. Les arguments étaient très mauvais, il n'y avait pas d'arguments. Era simplemente un debate agresivo y violento de un lado y del otro. C'est juste un débat agressif et violent d'un côté et de l'autre. Nos encontramos con que no hacían bien los diseños, la parte de imagen. Quel? Los activistas nuestros. Voilà. On faisait pas bien, on avait pas une bonne communication, on faisait pas bien les designs. No había ninguna estrategia de comunicación. Il n'y avait aucune stratégie de communication. Se redactaba incluso muy mal. Même on rédigeait très très mal. Todavía me acuerdo de ver páginas web con toda la letra mayúscula. Je me souviens d'un site web con muchos signos de admiración. Tout était en majuscule avec plein de points d'exclamation. Todo realmente era todo muy poco estudiado, muy poco trabajado. Entonces dijimos, wow, tenemos que hacer el movimiento de nuevo. On doit refaire tout le mouvement de zéro. Digo, ¿cómo hacemos para que miles de personas cambien esa postura? Era realmente muy difícil. ¿Cómo va a hacer para que ces milliers de militantes, ces milliers de personas changent d'approche et de posture? Hicimos la estrategia de la espiral. Donc nous avons fait la stratégie de la spirale. Estrategia de espiral quiere decir que un pequeño grupo de personas empieza. Donc ça veut dire, il y a un petit groupe de personnes qui commence. Éramos cuatro personas. Nous étions quatre personnes. Que nos reuníamos todos los días. On se réunissait tous les jours. Dos horas. Deux heures. Como si fuera un trabajo. Comme si c'était. Salíamos a trabajar y nos reuníamos. On sortait du boulot et on allait se réunir. Durante un año. Pendant un an. Hicimos esto. Y en este trabajo de este año, lo que hicimos fue crear una nueva cultura, pensar en una nueva cultura para el movimiento antitaurino. C'est créer une nouvelle culture pour le mouvement anti-corrida. ¿Y por qué es el espiral? ¿Y por qué es el espiral? Porque luego, al poco tiempo, ya invitamos a otras personas a sumarse a ese grupo. Donc, parce qu'assez vite, on a invité d'autres personnes à venir s'ajouter à ce groupe. Íbamos haciendo esto. Et donc, on a ajouté en. Cada nueva persona que entraba. Chaque nouvelle personne qui entrait. Se empapaba. Elle s'imprégnait. De la cultura del pequeño grupo. De la culture du petit groupe. Y esas personas que iban entrando a ese grupo, iban empezando a trabajar. Toutes les personnes qui s'intégraient à ce groupe et qui commençaient à travailler. Y luego les íbamos dando responsabilidades. Et on leur donnait petit à petit des responsabilités. Empezamos a crear departamentos. On a commencé à créer des départements. Tú a qué te dedicas? Yo soy periodista. Perfecto, vas a llevar el departamento de comunicación. À quoi tu te consacres pour toi? Moi je suis journaliste, ok, tu vas te mettre dans le département communication. Si entraba otro periodista, se iba al departamento de comunicación con él. Si un journaliste intégré, il allait dans le même département avec lui. Y si quien entraba era un abogado, creábamos el departamento de derecho y jurisdicción. Donc si era un avocat, on créait le département de juridique. Juridique, exacto. Y luego entraba una persona que estaba muy experimentada en el activismo de calle y y esa persona de calle. Y hay una persona que était très expérimentée dans le militantisme de terrain. Exacto. Entonces, pues esa persona coordinaba un departamento de activistas en calle. Donc ça, là, on crée un département pour militantisme. Y así íbamos creciendo formando diferentes grupos y departamentos que se coordinaban en una mesa única. On a créé donc, tout un tas de départements comme ça qui se coordonnaient sur une table unique. Y empezamos cuatro. Donc on a commencé à quatre. Y nuestro discurso gustó tanto. Et notre discours a tellement plu. Que acabamos siendo 2500 activistas en l'Assemblée. 2500. Voilà, qu'on a fini à 2500 à l'Assemblée. Una asamblea que no teníamos ningún lugar donde hacerla, solo la podíamos hacer en la calle por la gran cantidad que éramos. Y no eran marchas, eran asambleas. C'était pas des manifestations, c'était une assemblée. Entonces, ese efecto realmente hizo que luego esos 2500 activistas tuvieran un pensamiento completamente diferente al que se tenía un año atrás. Voilà, donc de telle sorte que ces 2500 activistes militants de cette assemblée avaient un comportement radicalement différent à ce qu'il était un an et demi auparavant. Lo que se hizo fue, en lugar de tratar de cambiar todo un movimiento, fue crear un movimiento nuevo. Voilà, au lieu d'essayer de modifier le mouvement, en fait, on a créé un nouveau mouvement. Al principio, algunos activistas no estaban de acuerdo, querían seguir con el modelo anterior. Au début, certains militants n'étaient pas d'accord, ils voulaient continuer sur l'ancien comportement. Pero al final de la campaña, todos, absolutamente todos, estuvieron de acuerdo con este nuevo modelo de trabajo. Et à la fin de la campagne, tout le monde était d'accord avec ce nouveau comportement. Algunos tardan, digamos, un poco más. Certains mettent un peu plus de temps à Durante todo el proceso tuvo varias partes. Durante todo el proceso, hay diferentes etapas. Cada una de las etapas estuvo diseñada estratégicamente de una forma diferente. Chaque étape a été pensée, conçue de façon différente. En la primera etapa, todo nuestro discurso estaba orientado al cerebro del activista. Donc, toute notre première étape, c'est un discours qui s'adressait au cerveau du militant. La seconde partie de la campagne, qui est quand nous devions recoger les firmes. La deuxième étape, qui était de recueillir un maximum de signatures. Notre discours était orienté au cerveau de la société. Notre discours est orienté sur le cerveau de la société. Al cerebro de los civiles. Des civils, au cerveau des civils. La tercera parte, cuando ya habíamos recogido las firmas. La troisième partie, quand on avait déjà rassemblé toutes les signatures. Era defender nuestra iniciativa adentro del Parlamento. Était de défendre notre initiative dans le Parlement, au sein du Parlement. Por lo cual, nuestro discurso era orientado al cerebro político. Pour cela, notre discours s'adressait au cerveau du politicien. Por eso, siempre hay que tener muy claro. Cuando decimos algo, ¿a quién nos estamos dirigiendo? Donc il faut être toujours très clair quand on dit quelque chose, à qui on est en train de parler. Por ejemplo, si vas a la televisión porque te invitan a un debate contra un pro-corrida. Si par exemple, ils nous invitent à la télé, à un débat face aux anti-corrida. Tienes que pensar en qué momento estratégico estás. Tu dois réfléchir à quel moment stratégique tu te situes. Yo he ido a debates donde me veían millones de personas en la televisión. J'étais à des débats où il y avait des millions de personnes qui me voyaient à la télé. Y sin embargo, mi discurso estaba orientado solo a los activistas de derechos de los animales. Mais cependant, mon discours était totalement orienté pour le cerveau des militants. Y hay veces que el discurso está orientado solo al sector político porque tu momento estratégico está en el sector político. Et des fois, mon discours était seulement dirigé vers le secteur politique parce que je suis dans l'état qui s'adresse au politique. La pregunta es, ¿y dices cosas diferentes a los activistas que a la sociedad que al político? Donc, tu dis des choses différentes aux militants, à la société et aux politiciens. La respuesta es no, dices lo mismo, non, pero lo dices de otra forma. La réponse est non, on ne dit pas les choses différentes, on dit la même chose, mais d'une façon différente. Effectivement. Des codes différents. Es simplemente eso. Por eso los diseños del discurso, los diseños de la estrategia de comunicación. Les conceptions du discours sont différentes. Exactamente, fueron pensados para cada una de las etapas que íbamos a vivir en función de lo que queríamos conseguir. Ils ont été réfléchis en fonction de chacune de ces étapes que nous allions traverser et en fonction de. Alors, Stéphane. Je voudrais revenir sur l'argument tout à l'heure concernant les subventions. C'est un argument assez efficace pour le public quand on l'entend. Mais j'ai du mal avec cet argument parce que c'est un argument qui va dans le sens du libéralisme, au sens économique, et que si on fait le parallèle avec la culture ou énormément de choses, s'il n'y a pas de subvention, ça ne peut pas exister. Dans le libéralisme, les choses doivent rapporter de l'argent, ou alors ne pas exister, en théorie. En pratique, on voit que les multinationales sont subventionnées. Mais utiliser cet argument vient à dire qu'il faut aussi supprimer le théâtre, il faut aussi supprimer la musique, il faut supprimer le concert, il faut supprimer beaucoup de cultures, sauf la culture en boîte de concert, c'est la seule qui est. Super, sí. Super pregunta. Très bonne question. Excellente question. Yo en algunos pequeños aspectos comienzo a estar de acuerdo con el liberalismo. Pour certains aspects, je commence à être d'accord avec le libéralisme. Pero tengo que matizarlo muy bien. Je dois bien nuancer cette chose. Porque, por ejemplo, en la producción de carne en Europa. Par exemple, dans la production de viande en Europe. Si la carne costara lo que tendría que costar. Si la viande coûtait ce qu'elle devrait coûter. Costaría cerca de 60 euros el kilo de carne. Ça devrait coûter à peu près 60 euros le kilo de viande. Prácticamente ni el 10% de la población europea podría comer carne todos los días. Quasiment plus de 60% de la population ne pourrait pas manger. Por lo cual, que 10%. 10%, sí. 10% de la population qui pourrait manger de la viande tous les jours. El resto no, el 90% de los europeos no podrían comer carne. 90% des Européens ne pourraient pas manger de viande. Y eso no acabaría con la explotación animal. Non seulement ça en finirait avec l'exploitation. Pero habría millones de individuos que no serían explotados. Voilà, non seulement on en finirait avec une partie de l'exploitation animale, mais il y aurait des milliers d'individus qui ne seraient pas exploités. Por lo cual, para cada uno de esos millones de individuos habrá llegado la liberación animal. En plus, pour chacun de ces individus, il y aurait eu la fin aussi de l'exploitation animale. En Europa, cerca del 20% de la producción de carne anualmente se tira antes de llegar al supermercado. En Europe, parce que 20% de la production de viande se jette avant d'arriver sur le marché. Por lo cual, si a mí me preguntaran hoy en día si yo estoy de acuerdo con una política liberal. Donc si on me demande si je suis d'accord avec une politique libérale, la production de carne, dans la production de viande, diría que sí. Je dirais que oui. Entonces, es un dilema bastante grande, desde un sentido ecologista incluso, el intervencionismo. Voilà, c'est un dilemme assez grand, donc l'interventionnisme, c'est un dilemme assez grand même du point de vue écologique. El intervencionismo nos obliga a producir más de lo que necesitamos. Ça nous oblige à produire plus que de ce dont on a besoin. Por lo cual, desde una visión ya ecologista, también es aberrante el intervencionismo socialista. Dans une vision écologique, l'interventionnisme social peut être une aberration. Entonces, yo creo que tenemos que buscar un tercer modelo. Moi, je pense qu'on doit chercher un troisième modèle. Un autre modèle. El punto específico sobre las corridas de toros en relación, por ejemplo, al arte o a la música. Le point spécifique donc des corridas de toros en relation avec l'art et la musique. Es que la corrida de toros tiene muchos detractores por las implicaciones morales que tiene de por medio. C'est que la corrida a beaucoup de détracteurs moraux. Esa es la diferencia. Ça, c'est la grosse différence. Porque a mí, por ejemplo, hay algunas músicas que no me gustan. Par exemple, moi, il y a certaines musiques qui ne me plaisent pas. No son muchas, pero algunas no me gustan. Il n'y a pas beaucoup de musiques, mais bon, il y en a certaines qui ne me plaisent pas. Pero no querría que las prohíban. Mais je ne suis pas pour le fait qu'on les interdise. Mientras yo no las escuche, ya está bien. Si je ne les écoute pas, c'est ça. Lo que sucede es que en la corrida de toros, por más que yo no vaya, el toro lo matan igual. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec le taureau, même si j'y vais pas, ça, le taureau, il est quand même tué. Y ahí está el principio moral. Et là, il y a le principe moral. El segundo elemento que creo que tendríamos que tener en cuenta. Le deuxième élément que je pense qu'on doit prendre en compte. Es que todo lo que sea inmoral o que pueda estar, vamos a decir que hay un poco de subjetividad por nuestra parte. Tout ce qui soit, tout ce qui peut être immoral, on peut dire, pero, tout ce qui est un peu subjectif de notre part, tu peux no digamos que es ni moral ni inmoral, simplemente digamos que hay un debate moral. Voilà, on peut dire que c'est moral ou immoral, mais qu'il y a une question morale qui se pose. Un débat. Sobre la corrida de toros. Donc, sur la corrida de taureaux. Por lo cual, hay mucha gente que la quiere prohibir. Pour cela, il y a beaucoup de gens qui veulent l'interdire. Y los taurinos dicen que no se debe prohibir. Et les pro-corridas disent que non, on ne peut pas l'interdire. Que la corrida debe morir de forma natural cuando la gente deja de ir. Et que la corrida doit mourir de façon naturelle quand les gens arrêtent d'y aller. Nuestra respuesta es, si quieren una muerte natural, tengan una vida natural. Si vous voulez une mort naturelle, ayez une vie naturelle. Sin intervención del Estado. Sans intervention de l'État. Porque si no, la vamos a prohibir. Parce que sinon, on va l'interdire. No nos queda más remedio que intentar prohibirla. Donc, on n'aura pas d'autre solution que de l'interdire. Entonces, esa es un poco la respuesta que solemos dar en un caso... C'est un peu la réponse qu'on donne quand il y a cette question à te poser. De tous les modes, me gusta mucho la música y. De toute façon, j'aime beaucoup la musique. Y estudio música desde muy pequeño. Y étudie la musique depuis tout petit. Y la música no se va a acabar, porque si intervengo se dejan de intervenir. De hecho. Ça va pas cesser s'il y a plus d'interventionnisme. De hecho. Los circuitos donde suelo tocar y donde suelo ir a ver grupos pago 2 euros de entrada y... Les circuits où je vais jouer, où j'écoute, je vais écouter de la musique, des concerts, etc. Y es underground, no somos miles, somos unos pocos. C'est underground, je paye 2 euros, on n'est pas des milliers, on est peu. Pero si realmente hay gente con ganas de escuchar esa música seguirá existiendo. Donc s'il y a vraiment des gens qui continuent de vouloir écouter cette musique-là, ça continuera de se faire. Entonces, quizá esa es un poco la gran diferencia entre las corridas de toros y la música. C'est une grosse différence entre la corrida et. Los taurinos no van a hacer esto si pierden dinero. Voilà. Les pro-corridas ne vont pas faire ça si ils perdent de l'argent. Donc, tanto, tanto no les gusta. Ils n'aiment pas perdre trop d'argent. Oui, de toute façon, je le ferai en simultané. Ou alors, Oui, j'ai essayé. En tant que juriste et militant en psychologie et plus largement pour les droits des enfants, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le processus concret que vous avez utilisé en Catalogne pour aller vers cette abolition. Je crois que vous avez eu un référendum populaire qui a mené en définitive à l'interdiction. Sachant que on constate que même s'il y a dans ces pays-là une forte opposition populaire, c'est très souvent le rapport de force en jeu au niveau politique, quelques politiciens très influents, très puissants, qui arrivent à bloquer tout le processus d'abolition. Donc voilà, j'aimerais savoir quel rouage concret vous avez utilisé pour obtenir cette abolition. Muy bien, me gusta mucho la pregunta. Porque es una pregunta desde la inquietud de qué vamos a hacer. C'est une question depuis l'inquiétude, la préoccupation de qu'est-ce qu'on va faire demain. Y esas son las mejores preguntas. Et ça, c'est les meilleures questions. Bueno, voy a dividir la respuesta en tres partes. Je vais donc séparer la question en trois parties. La primera es que hicimos nosotros en Cataluña. La première, c'est ce qu'on a fait nous en Catalogne. Se llama legalmente iniciativa legislativa popular. Donc ça s'appelle traditionnellement l'initiative législative populaire. Es un recurso de democracia directa, democracia participativa. C'est un recours à la démocratie directe, à la démocratie participative. es un recurso que está en la Constitución española y reglamentado en la autonomía catalana. Donc c'est dans la Constitution espagnole, donc ce recours est présenté et en Catalogne aussi. Y que tiene el objetivo de juntar firmas. Dont l'objectif est de rassembler les signatures. Nosotros teníamos que juntar 50.000. Donc nous autres, on devait rassembler 50.000. No es una firma fácil de recoger. Ce ne sont pas des signatures faciles à collecter. Tienes que poner, no es simplemente como en Change, pones tu nombre y tu email. On ne peut pas juste mettre son nom, más son email. C'est plus difficile. Porque junto uno la firma no la puede recoger cualquier persona. D'abord, c'est pas n'importe qui peut recueillir ses signatures. Tiene que ser un featario. Ça doit être quelqu'un donc, de la sermenté. Que es una persona que tuvo que ir previamente al Parlamento de Cataluña. Il a dû aller d'abord au Parlement de Catalogne, on en voit quelqu'un. A jurar que no iba a hacer trampa. Donc il doit jurer qu'il ne va pas faire de trampa. Il ne va pas se tromper, quoi. Il va pas. Comment se llama? Il va mentir, c'est non? Tricher. Ouais, tricher, il va pas tricher, ouais, très bien. Entonces, nosotros pudimos juntar 880 personas. Donc ils ont pu rassembler 880 personnes. Destinadas a juntar firmas. Qui étaient donc vouées à rassembler, à recueillir les signatures. Y teníamos 3 meses. Et ils avaient 3 mois. Para juntar las 50.000 firmas. Pour rassembler ces 50.000 signatures. Cada firma necesitaba que digas el nombre de la persona, el número de DNI, la dirección exacta, de la carte d'identité, la adresse exacta, postal, la dirección postal, exacta, o sea, tenías que poner todos los datos civiles de esa persona. Y además, si una letra estaba equivocada, si había una error, una letra, la firma no valía. La signatura n'était pas valide. Por lo cual, cada firma que juntábamos, por cela, chaque signature que necesitábamos pedirle a la persona que nos muestre su DNI. On devait bien vérifier sur la carte d'identité à chaque fois. Para estar seguros que esa firma era válida. Pour être sûr qu'elle était valide, la signature. Nosotros juntamos las 50.000 firmas. Donc on a rassemblé les 50.000 signatures. Las juntamos en 20 días. En 20 jours. 20 jours. Y al final del proceso habíamos juntado 180.000. Et on avait rassemblé 180.000 signatures à la fin du processus, donc de 3 mois. Fue un trabajo monstruoso. Un travail gigantesque, monstrueux. Mucha planificación logística. Beaucoup de planification logistique. Nada estaba librado a la suerte. Todo estaba planificado. Il n'y avait rien qui était laissé au hasard. Hein. Tout était vraiment planifié. Mira, cuando les decía que nos reuníamos 4 personas al principio. Quand je vous disais qu'on se réunissait d'abord 4 personnes au début. Lo que hacíamos era jugar al ajedrez. Ce qu'on faisait, c'était une petite partie d'échecs. Pensábamos en escenarios futuros. On pensait à des scénarios futurs. Y entonces dibujábamos. Et alors là, on dessinait différents. Situaciones. Esta es la situación. Là, il y a la situation. Esto puede desembocar en esta situación. Donc ça peut déboucher sur cette situation. Pero también en esta. Mais aussi sur celle-là. Y también en esta. Et peut-être sur cette situation-là. Y esta puede desembocar en esta, esta y esta. Mais cette situation-là pourra déboucher sur une situation. Y así sucesivamente teníamos una pizarra de 20 metros. Donc on avait un grand tableau d'une vingtaine de mètres. Donde habíamos dibujado todas las situaciones que podían darse. Où nous avions dessiné toutes les situations qui pouvaient se produire. Y al final, el camino que recorrimos fue uno solo. Et au final, le chemin que nous avions parcouru a été un seul chemin. Todo el resto lo habíamos dibujado para nada. Tout le reste, on l'avait dessiné pas pour rien. Bueno, no es para nada. Non, pas pour rien. Era por las dudas que el camino fuera ese. Et c'était le doute que ça ne puisse pas se produire comme ça. Entonces, la planificación logística, cuando fuimos a recoger las firmas, fue muy rápida. C'est pour ça que la planification logistique a été très rapide quand on a été rassembler les signatures. Por ejemplo, para salir a recoger firmas, pour sortir, recueillir trabajamos les signatures, con un psicólogo que nos decía cuál era la psicología tanto del que recogía la firma como de la persona a la que le pedíamos. Quelle était la psychologie autant de celui qui récolte les signatures que celui qui va signer. Entonces tomábamos muchas decisiones importantes. Alors, on a pris beaucoup de Como decisions. Por ejemplo, sabíamos que la psicología del fedatario de la sermenté era que le daba vergüenza salir solo a la calle a recoger firmas. Ça lui faisait un peu honte d'être tout seul dans la rue à rassembler des signatures. Sobre todo las primeras veces. Surtout les premières fois. Entonces creamos pequeñas células. Donc on a créé des petites cellules. De 4 o 5. De 4 ou 5. Les poníamos un pequeño coordinador. On leur mettait un petit coordinateur. Y esas personas se organizaban para salir a los diferentes barrios, lugares, universidades. Pour aller aux différents quartiers, les universités. Para recoger las firmas. Pour rassembler les signatures. Y también pensábamos cuál era la psicología de la persona a la que le pedíamos la firma. Et donc, bien sûr, la psychologie de celui qui allait signer était pris en compte. Cuando tú vas por la calle caminando. Quand tu vas dans la rue, tu regardes. Et quelqu'un qui s'approche avec un petit dossier dans la main. Con un boli. Et avec un petit crayon. Eso ya casi es como un duelo. Et là, c'est comme un duel. A ver quién es más rápido, si tú para escapar o él para llegar a ti. Si toi tu es plus rapide à t'échapper, lui va être plus rapide pour attaquer. Pero ya lo ves venir, ¿no? Es como. Et tu le vois venir. Es como el conejo que lo va a cazar el lobo, o sea, ya como lo ves venir. C'est comme le lapin avec le... Y entonces, lo primero que vas a tener que es desconfianza. Le premier rapport que tu vas avoir, c'est de la méfiance. ¿Qué quiere esa persona de mí? Qu'est-ce ¿Por qu'il... qué viene hacia mí? ¿Qué veut? Pourquoi elle ¿Por qué viene con una carpeta y un boli? Pourquoi elle ¿Por qué está armado con pourquoi, eso? Pourquoi elle est armée, ce crayon, cette... Entonces, para nosotros lograr disminuir esa desconfianza y ese miedo. Pour minimiser cette méfiance et cette peur. Hicimos previamente a recoger las firmas antes de salir a la calle. Donc, avant, de façon préalable à cette campagne. Hicimos una fuerte campaña de comunicación. On a fait une grosse campagne de communication. En la calle para explicarle a la gente que iban a salir personas a pedirle la firma. Voilà, pour leur dire qu'il y avait des gens qui allaient partir à la récolte. De... Y que esas personas iban a estar reconocidas con el logotipo de la plataforma. Et qu'elles seraient, qu'on pourrait les reconnaître avec le logo de cette plateforme. Y iban a tener unos carteles que iban a decir que son fedatarios de la plataforma. Et qu'il y aurait des affiches qui préciseraient des banderoles, hein, qui indiqueraient que c'était bien des assermentés de cette. Y que le íbamos a pedir muchos datos que la gente no le gusta dar, como por ejemplo su dirección. Et qu'ils allaient leur demander beaucoup de données, hein, entre autres leur adresse. Es muy difícil que alguien te diga dónde vive. C'est très difficile que quelqu'un te dise où il vit. Y más en un tema conflictivo. Et d'autant plus sur un sujet conflictuel. Entonces hicimos una campaña de comunicación previa, que duró unos 4 o 5 meses, donde le explicábamos a la gente que dentro de unos meses les íbamos a pedir las firmas. De esa manera logramos reducir el miedo. Por eso decía que la planificación es muy importante. C'est pour ça que je disais que la planification est très importante. Muy importante. Très importante. Luego de esto, nosotros recogimos las firmas, fuimos al Parlamento de Cataluña. Ensuite, donc, on a rassemblé les signatures, on a été au Parlement de Cataluña. 180.000 firmas. Donc, on a ramené nos 180.000 signatures. Un trámite. Et on a commencé un protocole, une démarche. Igual que si lo hubiera presentado un partido político. De la même façon que l'aurait fait un parti politique. Éramos un partido político más. On était un nouveau parti politique. Pero con una sola reivindicación. Mais avec une seule revendication. Entonces tramitamos la ley. Hubo toda una serie de. On a fait les démarches légales. Exactamente, de situaciones que se fueron dando. Una muy importante fueron las comparecencias de especialistas, de expertos. Donc, dans ce processus, il y a eu donc des parutions d'experts, de spécialistes. Hubo 15 abolicionistas y 15 anti-abolicionistas. Voilà, il y a eu 15 abolicionistes et 15 anti-abolicionistes. Este fue un tema muy importante. En el Parlamento. En el Parlamento de Cataluña. Au Parlement, je sais. Esto fue un tema muy importante. Nosotros dejamos de ser los antitaurinos para ser los abolicionistas. Donc ça, on n'était plus les anti-corrida. on était les abolitionnistes. Donc ça, c'est un point assez important. Y ellos dejaron de ser los taurinos para ser los antiabolicionistas. Et eux, c'était plus les pro, mais c'était les anti-abolitionnistes. Por lo cual, la imagen de status quo la teníamos nosotros, no ellos. Parce que là, du coup, l'image du statu quo était pour nous, était plus pour eux. Cuando cambió la imagen de status quo, cambió el imaginario colectivo. Quand l'image du statu quo a changé, l'imaginaire collectif a changé. Entonces, esas comparecencias fueron muy importantes porque ahí estaban todos los argumentos. Donc ces parutions auprès du Parlement étaient très importantes parce que là il y avait tout l'aspect argumentatif. Que convencieron a los diputados. Qui a convaincu les députés. Y luego el 28 de julio del 2010. Et le 28 juillet 2010. Con un récord histórico de medios de comunicación internacionales. Con un récord. Avec un record historique de medios de comunicación, des moyens de communication, des médias. El Parlamento de Cataluña hablaba todos los idiomas ese día. Au Parlement catalan, là, ça parlait toutes les langues ce jour-là. Y ese día se aprobó finalmente la abolición de las corridas de toros, que ganamos por 14 votos de diferencia, con mayoría absoluta. Alors là, il y a eu abolition de la pratique des corridas, avec 14 votes. Du côté, enfin 14 votes de plus en faveur de l'abolition. Exacto. Por lo cual fue un. ¿Cuántos votos eran en total? 135 diputados. Il y avait 135 députés, donc 14 voix de plus du côté de l'abolition. Exacto. Y entonces, bueno, digamos que ese día se declaró la abolición de las corridas de toros, aunque la ley entró en vigor el 1 de enero del 2012. Donc ce jour-là, on a déclaré la loi, même si effectivement ça a été appliqué qu'à partir du 1er janvier 2011. 2012. Oui, là. Je comprends. Ok, c'est. Qu'est-ce que dit la carne ou algo así? Bueno, la próxima será. Pues. Este proceso. Donc ce processus que se dice en Cataluña intentó hacerse en otras autonomías españolas. Donc on a essayé de faire ce type de processus dans d'autres autonomies, les autonomies espagnoles, les différentes régions espagnoles. Pero fracasaron. Les communautés autonomes, ça n'a pas eu de succès, c'était un échec. Porque hay un dicho que dice cuando el sabio señala el cielo, el tonto mira el dedo. Voilà, parce qu'il y a un dit quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Y mucha gente pensó que la ILP era una varita mágica, las iniciativas legislativas populares, que eran como una vara mágica, que voilà, si la usabas ganabas. Les gens pensaient que la ILP, la iniciativa legislativa popular, était une sorte de baguette magique et quand tu l'utilisais, tu gagnais. Ustedes saben que los seres humanos tenemos dos tipos de pensamiento, el pensamiento racional y el pensamiento mágico. Et vous savez qu'on a deux types de modes de pensée hein, chez l'humain, le mode de pensée rationnel et celui magique, la pensée plutôt. Hay veces que entendemos por qué pasan las cosas y hay veces que no entendemos, entonces pensamos que eso es magia. Il y a des fois on comprend comment ça se passe et du coup c'est rationnel, des fois on comprend pas et on pense que c'est magique. Pues para cambiar la sociedad hay que entender cómo funciona. Et pour changer la société, il faut comprendre comment elle fonctionne. Y en este caso, pues estos activistas no hicieron ningún tipo de planificación, simplemente. Y en las otras situaciones, los militantes no han hecho ningún tipo de planificación, son justo. Con muy buenas intenciones, se emocionaron por el resultado de Cataluña. Estaban muy émus del resultado en Cataluña. Y trataron de hacer iniciativas legislativas populares. Y han justo intentado hacer iniciativas legislativas populares. Que no dejaron las cosas como están, las dejaron en peor situación. Qui ne laissèrent pas les choses telles qu'elles sont, mais ça a empiré même la situation. Si tu vas enfrentarte a un contrincante muy fuerte. Si tu vas confronter un adversaire très très voilà très très fort. Très fort. Tienes que tener bastante seguridad que el primer golpe que le des sea muy bueno. Tu dois être sûr que le premier coup que tu vas donner soit très très très bon. Entonces, las iniciativas legislativas populares en este momento en otras partes de España no funcionarían. Porque haría falta todo el trabajo previo. les initiatives législatives populaires ne fonctionneraient pas. No funcionarían en otras partes de España, en otras autonomías. Voilà, dans les autres communautés autonomes, les autres régions espagnoles, ça ne marcherait pas l'initiative législative populaire. Porque no hay el trabajo previo que se había hecho. Parce qu'il n'y a pas tout le travail préalable qui a été fait dans les autres communautés, comme ça a été fait en Catalogne, il y a tout un travail préalable à l'initiative législative populaire. Al final, cuando haces una estrategia social. Finalement, quand tu fais une stratégie sociale. No es tan importante la acción de cambiar las cosas. Ce n'est pas si important, l'action pour changer les choses n'est pas aussi importante. Lo que es más importante que eso es preparar un escenario donde ese cambio sea posible. Plus que la création du scénario pour que ce changement soit possible. C'est tout le cadre, le contexte. En definitiva, el pensamiento del lobby estratégico, el pensamiento de la estrategia social. En definitiva, la estrategia, o sea, el pensamiento social, el pensamiento del cambio social. Mode de pensée du mouvement du changement social. Es al revés que el que solemos tener siempre. C'est à l'inverse de celui qu'on a habituellement. Si nosotros estamos aquí. Si nous sommes là. Y queremos ir aquí. Et que nous voulons aller, normalmente pensamos cuáles son los pasos que tenemos que dar para llegar aquí. On pense à tous les pas, quels sont les pas que on doit faire pour arriver jusque là-bas. Sí, pero eso lo haces tú como individuo. Ça, c'est ce qu'on fait avec un individu. Pero cuando lo que tienes que hacer es que la sociedad vaya de aquí hasta aquí. Quand c'est toute la société qui doit aller de là à là. Toda la sociedad, tienes que pensar al revés. Tu dois penser de façon inverse. Tienes que decir. Esta es mi situación ideal. Donc là, c'est la situation idéale là-bas. Yo quiero llegar aquí. Je veux arriver là-bas. ¿Qué tiene que pasar aquí? Tiene que pasar. Para que yo llegue aquí. Qu'est-ce qui doit se passer? ¿Qué tiene que pasar aquí para que yo pueda llegar aquí? Juste avant pour arriver là. Aquí, on aquí. Voilà. Y así sucesivamente hasta que llegas de repente al punto en el que estoy. Et de façon successive jusqu'à ce que tu arrives au point où tu en es, où tu es, où tu te situes. Y ese es el pensamiento estratégico que hay que tener. Et ça, c'est la pensée. Cuando el cambio no es individual, quand le changement n'est pas individuel, mais social. Cuando nosotros queremos convencer a una persona para que sea vegana, es un cambio individual. Quand on veut convaincre une personne pour qu'elle soit végane, là, c'est un changement individuel. Es diferente, le dices, ¿qué tienes que hacer mañana? Mañana intenta tomar un desayuno vegano. Prends un petit déjeuner vegan. Luego intenta ir a comprar comida vegana no sé dónde, o intenta hacer una buena receta de seitan. Son pasos que la persona va dando para llegar a un punto definitivo, que es dejar de explotar a los animales. C'est des étapes successives pour que la personne arrive à arrêter d'exploiter les animaux, mais ça, c'est un point de vue individuel. Tú haces que una sola persona haga todo un gran recorrido. Là, ce que je fais, c'est que une seule personne fasse tout un grand parcours. Pero cuando mueves la sociedad, quand tu déplaces toute la société, no le puedes hacer un largo recorrido. Tu peux pas leur faire faire un long cheminement. La sociedad hace pequeños recorridos. La société fait des petits parcours, des petits. Pero para que haga ese pequeño recorrido, primero hay que generar un escenario. Donc pour qu'il y ait ce petit parcours qui soit fait, il faut d'abord générer un scénario. Lénine disait que ningún cambio social puede durar mucho tiempo. Que aucun changement social ne peut durer longtemps. Si la sociedad no está preparada para él. Si la société n'y est pas préparée. Por lo cual, en este momento, cuando nosotros tenemos que pensar en una estrategia. Donc à ce moment, quand nous autres, on peut penser à une stratégie. Ya sea para aplicar en Francia, en Ecuador. Que ce soit pour l'appliquer en Équateur, en France, au Venezuela, en cualquier lado. En Espagne, où que ce soit. Primero tenemos que pensar cuáles van a ser los escenarios previos a la situación en la que queremos llegar. On doit d'abord penser à quels sont les scénarios préalables au scénario final auquel on veut arriver. ¿Cuál es el escenario previo al escenario previo? Et quel est le scénario préalable à ce scénario préalable? ¿Cuál es el escenario previo al escenario previo al escenario previo? Y de esa manera, en algún momento llegaremos al punto en el que estamos. Et d'une façon ou d'une autre, on en reviendra au point présent de la situation du scénario présent. Pensemos en la abolición de las corridas de toros en Francia. Pensons à l'abolition de la corrida en France. Sería posible, muy posible. C'est tout à fait probable, hein, c'est tout. De hecho, yo creo que sería el país, en este momento, el más fácil de todos. Je Je pense que ça pourrait être le pays le plus facile de tous. La mayor parte de la gente está en desacuerdo. La plupart des personnes sont en désaccord. No se hacen corridas en la capital, lo cual es importantísimo. Il n'y a pas de corrida à la capitale, ce qui est très très important. Solo una pequeña proporción de la tierra francesa permite esto. Il y a juste une petite partie du territoire qui autorise ces pratiques. No forma parte de la cultura francesa. Ça ne fait pas partie de la culture française. Por este país sí pasó la ilustración, diferente a España. Aquí sí hubo ilustración. Oui, il y a eu ilustración, ¿cómo sí, se dice? Sí, ilustración, il y a eu ilustración, mais je vois pas le. Un exemple précédent. Ouais. Hubo la ilustración. Ah oui, il y a eu l'exemple précédent de la Catalogne, je comprends pas. OK. Voilà, il y a eu l'exemple de la Catalogne qui donc une première abolition. Qui... La ilustración hace dos siglos fue lo que prohibió los espectáculos con animales. En toda Europa. Quelqu'un peut m'aider là-dessus? Il y a personne qui suit. Chaque dernier, le spectacle des animaux, c'est interdit. Ah, oui. Oui. Oui, d'accord, c'est, j'ai compris. Alors, vous pouvez répéter et je vais traduire. Sí, claro. La ilustración, que fue el pensamiento político, fue la corriente ética europea. Fue lo que fue prohibiendo los espectáculos con animales en toda Europa. Todos los países europeos tenían espectáculos con animales. D'accord, il y avait plein d'autres spectacles qui utilisaient des animaux, etc., qui, de façon violente, et qui ont été abolis. Donc ça, c'est des illustrations. España fue el único país del mundo que no tuvo ilustración. Ah, donc l'Espagne, ça a été le seul pays du monde qui avait... Bueno, Europa. Pero cuando dices ilustración, ¿de qué estás hablando? Ilustración. Des précédents, ouais. D'accord, des précédents d'abolition, le spectacle d'animaux. En Espagne, ça avait pas eu. Ilustración aquí no, ¿cómo se dirá? No tengo ni idea. Da igual, da igual. Bueno, pues en Francia, digamos, hay muchas condiciones dadas para que se pueda conseguir la abolición de las corridas de todo. Entonces pensemos. Donc il y a beaucoup de données qui sont en France qui permettraient cette abolition. Pensemos que estamos en el día en que se prohibieron las corridas de toros en Francia. Donc supposons que nous soyons au jour de l'abolition de la corrida. ¿Qué tiene que haber pasado antes? Tiene que haber pasado antes que la mayor parte de los políticos que van a votar. Pour que la plupart des politiciens qui vont voter tienen que estar de acuerdo con eso. Doivent être d'accord avec cette abolition. Y previamente a ese voto de esos políticos tiene que haber llegado una iniciativa legislativa para que ellos la puedan votar. Voilà, donc avant que ces politiciens puissent voter, il a dû y avoir une initiative législative pour qu'ils puissent voter. Y previamente a esa iniciativa legislativa que se va a votar, tiene que haber habido una organización civil que pueda llevar esa iniciativa legislativa. Donc, avant ça, il a dû y avoir une organisation civile qui porte cette initiative législative. Y para que haya esa organización civil, uno de los pasos imprescindibles, un des pas indispensables, une étape indispensable, es que el movimiento antitaurino y abolicionista tenga buena relación entre sí. C'est que le mouvement anticorrida ait des bonnes relations entre eux. Donc, les différentes organisations. Ya sabemos en qué punto estamos, ¿verdad? Nous savons où on en est, en termes de relations, d'associations, etc. Por lo cual mi consejo es tener ese pensamiento estratégico para saber qué tenemos que hacer mañana. Bueno, c'est vraiment pensar, saber qué hacer demain. Creo que en la pregunta hablaba también del hecho de que se pueda exportar a otros países, no solamente Francia, pero no hablaste de América Latina. Bueno, da igual. Da igual, sí, da igual. Sí, sí, porque creo que responde bien. Y peut-être, j'ai pas suivi la chronologie, Hélène. Quería saber si tienes una opinión o consejos en cuanto a la última manifestación que se hizo en Alès. ¿Según sus criterios es suficiente? ¿Consejos? ¿Sabes de lo de Alès? No. Bueno, yo en general no soy de acuerdo con las manifestaciones y con las marchas. En general, estoy de acuerdo con las manifestaciones y las marchas. En el ámbito antitaurino. Dans le contexte, dans le près des anticorridas. Si lo estoy en el ámbito de la alimentación, de la vivisección. Si je suis dans le domaine de l'alimentation, de la vivisection. ¿Por qué? Porque en esos ámbitos no tenemos apoyo mayoritario de las mayorías. En el ámbito de la vivisección o la alimentación. Bueno, por la alimentación o la vivisección, no hay forcément de soutien popular. No tenemos un apoyo de la mayoría social. On a peut-être pas le soutien de la majorité sociale. Pero cuando tienes apoyo de la mayoría social, quand tu as l'appui de la majorité sociale, ya tienes que cambiar el comportamiento. Tu dois changer de comportement. Ya no tienes una ideología, lo que tienes es una idea. Bah, tu n'as plus l'idéologie, tu as une idée. Y ya no tienes un movimiento social. Tu n'as plus un mouvement social. Lo que tienes es una sociedad en movimiento. C'est une société en mouvement. El objetivo es hacer que esto camine. El objetivo ahora ya no es protestar. L'objectif, c'est plus de protester tout ça, c'est que ça, cette société en mouvement, elle, effectivement, elle soit en mouvement, donc elle se déplace. C'est plus de. Et qu'est-ce que nous faisons si de protester? Qu'est-ce qu'on fait si on arrête de protester? Provocamos el cambio. On provoque le changement. Protestar es pedir a otro que haga el cambio. Protester, c'est demander à ce que d'autres fassent le changement. El movimiento social hace una protesta para pedir a otro que haga el cambio. Le mouvement social, c'est une manifestation pour que d'autres personnes fassent ce changement. La société en mouvement. La société en mouvement. Est le cambio. C'est le changement. Il y a une grande différence. Et il y a une grande différence. Por eso es importante cambiar el comportamiento. C'est pour ça que c'est important de changer de comportement. Las manifestaciones. Les manifestations. Cuestan mucho dinero. Ça coûte beaucoup d'argent. Necesitan movilizar una gran cantidad de recursos. De comunicación. On doit mobiliser des grandes quantités de ressources de communication. Las manifestaciones tienen que ser muy, pero muy populares. Ça doit être des manifestations qui doivent être très, très populaires. Para ser efectivas. Pour qu'elles soient effectives, efficaces, efficientes. Porque si adentro de la plaza de toros hay 15.000 personas que pagaron. Si au sein de la place de taureaux il y a 15.000 personnes. 15.000 personas. Bueno, 15.000 personas o 10.000 o 10.000 que han pagado. Que pagaron afuera, los que están afuera en la manifestación. Ceux qui sont à l'extérieur, que fueron gratis. Dans la manif, que es gratis. Y qui est gratuite, hein, ils ont pas payé pour venir. Tendrían que ser 5 veces más. Devraient être 5 fois plus nombreux. Porque si no. Parce que sinon. Ellos tienen más movilización que nosotros. Eux, ils ont beaucoup plus de mobilisation que nous. Por eso digo que el movimiento social, yo lo explicaba antes. C'est pour ça que je dis que le mouvement social, es movilización. C'est la mobilisation, un mouvement social. La sociedad en movimiento es organización. C'est l'organisation. Y hay que cambiar rotundamente ese concepto. Y il faut changer radicalement ce concept. Joris, non, j'avais... Non, excuse-moi. Moi, je suis d'accord que 4 personnes... Si on arrive à faire un groupe, ça peut changer un peu le monde. Et j'avais envie d'en savoir plus sur les caractéristiques des 4 personnes au départ. Ça, c'est une des questions difficiles. Hein. Para armar un buen grupo, para crear un buen grupo. Donc, pour former un bon groupe. Tienes que conseguir primero que esas 4 personas. Il faut d'abord réussir à obtenir que ces 4 personnes tengan virtudes y cualidades diferentes entre sí. Qu'elles aient des qualités, des vertus qui soient complémentaires entre elles. Es muy importante que entre esas 4 personas no haya estatus, haya roles. Et c'est très important qu'il n'y ait pas de statut entre ces 4 personnes, mais qu'il y ait des rôles. No podemos funcionar en función de estatus. On ne peut pas fonctionner sur des solo statuts. De división de tareas. Juste, on fonctionne sur la division des tâches. Pero incluso en la división de tareas, même dans la division des tâches, hay una persona encargada de coordinar. Et il y a une personne qui est en charge de la coordination. Eso no quiere decir que esa persona esté por encima de las otras. Ça ne veut pas dire qu'elle soit au-dessus des autres. Pero sí quiere decir que es la responsable de movilizar. Mais c'est celle qui est... Y de organizar el trabajo de las otras. C'est celle qui doit mobiliser et organiser le travail des autres. Por lo cual, lo primero que tienes que tener es qu'on doit avoir, el groupier. C'est le groupier. Le groupier. El que reparte el, voilà, el que reparte. Celui qui répartit. El que reparte el trabajo. Le travail. El groupier es fundamental. Le groupier est fondamental. En estos grupos. Ça existe pas, le groupier? Non, il y en a deux. Mais non, mais c'est au poker. Le groupe, c'est qui distribue les cartes et tout. Groupier. Groupier, ça sonne bien, groupier aussi. Le groupe. Sí, correcto. Ah, non, c'est croupier. C'est... Ah, ok. Oui, elle est enregistrée. Ok, ok. Ok. Ese es el primer cargo fundamental. Luego una persona que entienda muy bien de leyes. Y quelqu'un qui comprenne très bien les lois. La señorita allí. Comme la petite dame ici, là, qui comprenne bien les lois. Y ser una persona que entienda las leyes, pero que además no solamente las comprenda, sino que las use como herramientas. Non seulement qu'elle comprenne bien les lois, mais qu'elle les utilise comme un outil. Hein. Que utilice, que tenga una visión estratégica de la ley. Qu'elle ait une vision stratégique de la loi. C'est muy importante. Très important. El tercer puesto muy importante. Le troisième poste très important. Una persona que sepa mucho de comunicación. Une personne qui sache beaucoup de communication. De estrategias de comunicación. De stratégies communicatives. De estrategia del discurso. De stratégie du discours. De análisis de la estrategia del discurso del contrincante. De l'analyse de la stratégie du discours de l'adversaire. Porque no es solamente redactar bien. Ce n'est pas juste savoir bien rédiger. Ni tener una buena base de datos de periodistas. Ou une bonne base de données de journalistes. También tienes que ver la parte estratégica del discurso. C'est la partie stratégique du discours. La cuarta persona. La quatrième personne. Es lo que se llama hoy en día un crowd worker, una persona que sabe trabajar con muchas herramientas diferentes. Alors là, c'est un coworker, donc c'est un terme anglophone. Es la persona que maneja muy bien las redes sociales. Qui doit bien gérer les réseaux sociaux. Que conoce. ¿Cómo? No, porque hablaste de redes sociales y tiene que ver con redes sociales. Networking. Yeah. Sí. Sí, Facebook, Twitter, sí. Pero Elías se preocupa por el de la comunicación, ¿no tiene que ver con esto? No, no, en realidad el de la comunicación no evalúa los canales, sino que evalúa el contenido de la comunicación. Celui de la comunicación, il ne se préoccupe pas des canaux, des moyens, le contenu. Hein, donc, la personne en charge de la communication, il n'a pas à voir avec les réseaux sociaux. Lui, il se préoccupe du contenu de ce qu'il a communiqué. Et l'autre, là, apparemment, effectivement, c'est quel. Voilà, el crowd worker es le coworker. El crowd worker es el logista de la antigua Roma. El logista? Logista, logístico. D'accord, c'est le logicien, logisticien de la antigua Roma. De la Roma antique. ¿Qué era el logista de la antigua Roma? Qu'est-ce que c'était le logisticien de la Roma antique? El estratega decía, vamos a ir a atacar a los pueblos bárbaros del norte. El estratega, on va attaquer les peuples du nord. Simplemente tomaba esa decisión. Iba y decía, bueno, voy a llevar tantos hombres. Y voy a llevar tal legión o tal otra legión. Para atacarlos por aquí, por aquí, por aquí. Ese es el estratega. Pero el logista es mucho más importante que el estratega. ¿Por qué perdió Napoleón la guerra? Por un cálculo logístico. No calculó por un cálculo logístico. Par un calcul logistique, il n'avait pas fait. Exactamente. No tomó en cuenta el frío. Il n'a pas pris en compte le froid. No tomó en cuenta la cantidad de tiempo que tenía que pasar. Il n'a pas pris en compte la quantité de temps qu'il devait passer. En esa tierra tan difícil. Dans cette terre aussi difficile qu'au nord. Casi todas las batallas que ganó Roma las ganó gracias al logista. Toutes les batailles qu'il a gagnées à Rome, c'était grâce aux logisticiens. De hecho, los romanos inventaron la logística. De fait, les romains inventèrent la logistique. ¿Qué hacía el logista? Cuando el estratega le decía, tenemos que ir a tantos kilómetros, con tantos hombres, a tantos kilómetros, avec tant d'hommes, con tanta cantidad de gente a la que vamos a atacar. Avec tant de personnes avec lesquelles on va attaquer. El logista calculaba la cantidad de armas. Le logicien calculait la quantité d'armes. La cantidad de alimentos. D'aliments. La cantidad de abrigo que hacía falta. Calculaba prácticamente todo lo que era necesario para la guerra. Il calculait tout ce qui était nécessaire pour gagner. O sea, el logista era el que ponía a disposición del estratega lo material. Voilà, le logisticien, c'est lui qui mettait à disposition du stratège le matériel. Era el que le daba las herramientas. Qui donnait les outils. Que el estratega necesitaba. Que le stratège, dont le stratège avait besoin. Como si el estratega fuera el cirujano. Comme si le stratège était le chirurgien. Y el logista fuera el que le va pasando. Et le logisticien, c'est lui qui lui passait le bisturi et les outils. Y nosotros teníamos una persona que era así. Que decía, ahora necesitamos mandar muchos faxes. Nous, on avait personne comme ça. Donc aujourd'hui, on avait besoin d'envoyer plein de fax a los parlamentarios. Aux parlementaires. Y él, nosotros pensando, bueno, compramos un fax, bon, alors, on achète un fax y ponemos un activista aquí a mandar los fax. On met un militant qui, y él encontró un software. Il a trouvé un logiciel. Donde se podían mandar miles de faxes en un segundo. On pouvait envoyer des milliers de fax en une seconde. Ese era nuestro coworker. Et ça, c'était notre coworker. Y eso tiene que ser un equipo. Diferentes habilidades para ayudarse en diferentes. C'est ça l'équipe, c'est différentes facultés, différentes compétences qui sont rassemblées. Qu'est-ce qu'il faisait dedans? Tu, qui hacías en este. Acompañaba al grupo. Gracias, Bartel. Sí, pero bueno, un poco la parte de organización y. J'accompagnais le groupe, la partie de l'organisation, etc. J'aimerais suivre une hiérarchie, c'est plus difficile de savoir qui a suivi. Le Joris, c'était derrière. Ouais. J'ai deux questions. La première, c'est relatif au financement. J'aimerais avoir des informations sur le financement, parce que par exemple, les campagnes pour prévenir la population, qu'il va y avoir des signatures récoltées, ça va demander de l'argent. Donc, comment tout ce travail a été financé par qui ? Par quel média ? Si c'est la campagne. Et la deuxième question, qui est plus relative au fond, c'est les arguments des trois corridas, comment dire, qui expliquaient la possibilité de l'interdiction en Catalogne par le fait qu'il y avait un sentiment anti-castillan ou contre la culture castillane, espagnole, globale. C'est ça qui a pu expliquer que ça a été possible en Catalogne et pas ailleurs. Donc quelle a été la part de cet argument-là et est-ce que ça a été exploité par ce sentiment anti-national pour la civil paix sur cet aspect. Muy bien. Bon, très bien. Con respecto a la financiación, en relation avec le financement, las iniciativas legislativas populares, les iniciatives législatives populaires, por reglamento, par règlement, están dotadas de un presupuesto, sont dotées d'un budget de 40.000 euros. De 40.000 euros. O sea, el Parlamento de Cataluña, le Parlement de Catalogne, nos dio 40.000 euros, nous a donné 40.000 euros, para poder hacer esta iniciativa. Pour faire cette iniciativa. Es así el reglamento. Pero hubo un problema muy grande y era que nos lo daban después de que lo habíamos gastado. Y donaba cet argent après qu'on l'ait dépensé. Entonces fue muy difícil pedir 40.000 euros prestados. D'emprunter 40.000 euros. Así que bueno, fuimos muchas personas que pudimos ir aportando algo que luego nos fue devuelto. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont dû apporter de l'argent qui allait être rendu, bien sûr, qui a été rendu ensuite. Hein. Corríamos el riesgo de si no juntábamos todas las firmas, no se volvían nada. Que si toutes les signatures n'étaient pas rassemblées, ben, on perdait l'argent. Ça allait pas être rendu. Pero bueno, estábamos seguros que íbamos a recoger las firmas. Bon, on était complètement sûrs qu'on allait rassembler les signatures. Nosotros gastamos en total 46.000 euros. Donc on a dépensé en tout 46.000 euros. Por lo cual, al movimiento antitaurino, la campaña de la prohibición de las corridas de toros en Cataluña le costó 6.000 euros. Donc ce mouvement, hein, la campagne pour l'abolition de la corrida en Catalogne, nous aura coûté 6.000 euros. Muy barato. Très très très cher. Bon, bon marché. De todos modos, hoy por hoy, la financiación que estamos llevando en otras partes del mundo. À l'heure actuelle, la finance, le financement arrive d'autres parties du monde. Está basada en el crowdfunding. Ça repose sur la levée de fonds. El crowdfunding tiene una cosa muy buena. Crowdfunding. C'est quoi? Crowdfunding. Sí, mucha gente que pone poco dinero. Bah, donc c'est beaucoup. Personne qui donne un petit peu d'argent, alors on dit ça, en français on dit voilà. Crowdfunding. Crowdfunding. Et crowdfunding tiene una muy buena ventaja. Donc il y a un très très bon avantage à ce crowdfunding. Y es que más allá de conseguir el dinero, c'est non seulement tu obtiens de l'argent, te obliga a ser muy creativo. Mais ça t'oblige à être très créatif. Porque si no la gente no te pone dinero. Sinon, les personnes ne donnent pas d'argent. Y te obliga a diseñar muy bien tu campaña porque la gente se siente atraída con un buen diseño. À bien concevoir ta campagne, parce que donc les personnes sont attirées par cette la façon dont tu as conçu ta campagne, c'est ça qui fait que tu as levé des fonds. Ça t'oblige. Tú no puedes hacer un crowdfunding para tener 1000 folletos. Tu Je peux pas faire un crowdfunding pour faire 1000 tracts. No sería atractivo. Ce serait pas très attractif. Poca gente pondría dinero. Il y aurait peu de personnes qui donneraient de l'argent. Pero sí, por ejemplo, si quieres organizar, no sé, un concurso de pintura antitaurina para niños. Anticorrida pour les enfants. Y si le pones un buen nombre, y si le haces un buen logotipo y un buen diseño, y haces unas buenas piezas de comunicación en internet. Un bon logo, t'as des bons éléments de communication, des outils de communication. Es muy probable que la gente quiera aportar dinero y se sienta orgullosa de ser uno de los que aportó 5 euros. Il est probable qu'il y ait beaucoup de gens qui soient fiers de participer, même si c'est 5 euros, qui puissent donner de l'argent. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo que las organizaciones tengamos socios. Je ne suis pas forcément d'accord que les organisations aient des adhérents, enfin des socios. Sí, socios. Yo no estoy de acuerdo porque eso nos tranquiliza mucho a las organizaciones y no nos hace funcionar el cerebro. Parce que ça nous tranquilise beaucoup et ça ne fait pas fonctionner beaucoup le cerveau. Los animales que más piensan en la naturaleza son aquellos que tienen que conseguir alimento todos los días. Ceux qui doivent le plus penser dans la nature, les animaux qui doivent le plus solliciter leur truc, ceux qui doivent obtenir leurs aliments chaque jour. Sí, saben que un animal domesticado pierde el 40% de su desarrollo neuronal. Un animal doméstico pierde 40% de su desarrollo neuronal. Los activistas no debemos estar domesticados. Nosotros, animalistas, no debemos estar domesticados. Tenemos que constantemente estar pensando acciones que sean atractivas para la gente. On doit constamment penser à des actions qui soient attractives pour les gens. Que esa gente nos aporte para esas acciones, no para cuando no hacemos nada. Nous donne de l'argent pour ces actions, pas pour quand on est en train de rien faire. En vez de tener socios de las asociaciones, tenemos que tener socios de las acciones. Donc, au lieu d'avoir des associés, enfin des membres d'une association, on va avoir des associés, des membres d'actions. Y la financiación puede ser muy buena con socios o muy buena con crowdfunding. Les financements peuvent être très bons avec des membres de l'association et très bons avec des crowdfunding. Pero tus campañas serán mejores con crowdfunding. Mais tes campagnes seront meilleures avec des crowdfunding. Te obliga a hacer mejores campañas. À faire des meilleures campagnes. La segunda pregunta era con respecto al debate nacionalista. Donc, la deuxième question par rapport au débat nationaliste en Espagne. Aquí teníamos una gran ventaja. Là, on avait un gros avantage. Porque yo soy argentino. Parce que moi, je suis argentin. A mí el debate España-Cataluña ni siquiera lo comprendía. Moi, le débat Catalogne-Espagne, ahora ya lo comprendo. Bon, maintenant, je le comprends. Pero antes no lo comprendía. Bien. Entonces, yo no entraba en ese debate cuando me decían esto es una razón nacionalista. Avant, je ne comprenais rien. Moi. Alors, quand on disait ça, c'est un motif nationaliste. Je ne parle ni une parole de catalan. Moi, je ne parle même pas un seul mot de catalan. Et sin embargo, fui el portavoz. Et pourtant, j'étais le porte-parole de la Catalogne. Exacto, de la plataforma Pro. Entonces, bueno, pues por esa razón, digamos que ese debate estuvo menos presente gracias a esto. Donc grâce à ce fait-là, soit. Sin embargo, hay una explicación que me gusta dar. Cet argument-là était moins présent. Mais decir que esto quiso prohibirse por razones nacionalistas. Dire qu'on a voulu interdire la corrida pour des raisons nationalistes. No tiene mucho fundamento. N'a pas beaucoup de fondement. Es más bien un pensamiento. C'est plutôt une pensée. Que sale de supuestos que pueden estar equivocados. Sin embargo, supuestos. Presupuesto. Ah, esa sorte de préjugés. Sí. Voilà. Pensamientos anteriores. Voilà, qui viennent de pensées antérieures. Exacto. Bien. Pues. Presupuesto. De todas las comunidades autónomas de España. De todas las comunidades autónomas. Cataluña es la única que tiene prohibido matar perros y gatos en las carreras. La Catalogne es la seule comunidad autónoma que interdice de tuer des chiens y des chats. Perros y gatos. Perros y gatos, sí. ¿Que se prohíbe matar? Sí, no está, bueno. No puedes matar perros y gatos. ¿Porque está autorizado en nosotros? En el resto de España, sí. D'accord. Donc, vraiment, il n'y a pas de problème pour tuer les chiens et les chats ailleurs que en Catalogne. En toda España se matan cerca de 300.000 perros y gatos al año. Il y a presque 300.000 chiens et chats dans toute l'Espagne qui sont tués chaque année. En Cataluña, no. Et pas en Catalogne. En Cataluña tenemos 100 ciudades. En Catalogne, on a 100 villes que tienen prohibido el uso de animales en circos. qui interdisent l'utilisation des animaux dans les cirques. En todo el resto d'España, en todo el resto, hay 30 ciudades más. Dans tout le reste d'Espagne, il y a que 30 autres villes qui interdisent l'utilisation des animaux dans les cirques. En el mundo hay 4 códigos civiles. Dans le monde, il y a 4 codes civils. Que diferencian los animales de las cosas. Qui différencient les animaux des objets, des choses. Austria, l'Autriche, Alemania, l'Allemagne, Eslovenia, la Slovénie, y Cataluña. Et la Catalogne. Todo esto y muchas explicaciones más que podría dar al tout respecto. Cela, et bien d'autres choses qu'on pourrait évoquer. De acciones que tienen que ver con los animales. D'actions relatives aux animaux. El Ayuntamiento de Barcelona gasta muchos millones al año. La mairie de Barcelone dépense beaucoup d'argent, beaucoup de millions d'euros pour. Hasta el Ayuntamiento de Barcelona hasta tiene su propia guía de consumo vegetariano. Y a le propre guide de la consommation végétarienne qui est traduit en différentes langues. En muchos idiomas. Tu llegas como turista y sabes dónde ir a comer. Quand tu arrives en tant que touriste, tu sais où aller manger. Si tu diferencia también los veganos. Okay. También los restaurantes veganos. Là, il y a tous les restaurants véganes. Han explicado esa parte. Y Barcelona se gasta cerca de 60.000 euros al año solamente en esa guía. Il y a 60.000 euros qui est dépensé juste pour ce guide, hein, qui est édité pour. Realmente hay una sensibilidad mayor por la defensa de los animales que en el resto de España. Y a vraiment une plus grande sensibilité en Catalogne pour lo cual, les animaux que en Espagne. Tiene más lógica que hayamos prohibido las corridas de toros por eso. Donc c'est beaucoup plus logique qu'il y ait une prohibition. Que por una razón nationaliste. Là-bas, puisque ça n'a rien à voir avec. Porque decir que la corrida de toros. Y porque decir que la corrida de toros. Es una tradición solo española. Le fait de dire que la corrida de toros est une tradition exclusivement espagnole. Solo puede ser fruto de la ignorancia. C'est le fruit de l'ignorance. En realidad es una tradición mediterránea que tiene 15.000 años. En fait, c'est une tradition méditerranéenne de 15.000 ans. Se hacía en todo el Mediterráneo. Ça se faisait dans toute la région méditerranéenne. Solamente que en España perduró. C'est juste qu'elle a perduré en Espagne. Porque no llegó la ilustración. Parce qu'il n'y a pas eu. La ilustración. Lo que quiero decir es. Ya lo vamos a buscar. Ok. Lo vamos a buscar. A ver, si quieres venir, un truc como ça. Ok, da igual. Ok. Entonces, bueno, esa es la explicación que nosotros damos. O sea, el ciudadano, sobre todo el de Barcelona, hay una gran diferencia a veces entre Barcelona y el resto de Cataluña también, es cierto. Yo soy muy barcelonista, no soy muy catalanista, normal, alors, pero soy muy barcelonista, es una ciudad. Me perdí en el que decía. Digo que hay una gran diferencia entre la gente de Barcelona y la resto de Cataluña. Hay una grosse différence entre les gens de Barcelona y les gens du reste de Catalogne. Barcelona es una sociedad muy progresista. Donc c'est une très progressiste Barcelone. Y que detrás de sí arrastra a todo Cataluña y a veces a toda España. Voilà, et donc derrière Barcelone, il y a la Catalogne qui a tendance à suivre et il entraîne, donc ça entraîne un mouvement plus de toute Catalogne, voire de toute l'Espagne. Barcelone est. En ce sens, c'est une ville vraiment impressionnante et qui a beaucoup de force. C'est une ville vraiment impressionnante qui a beaucoup de force. Et donc, c'est normal que en Barcelone, la gente no quiera corridas de toros, parce que la forma de pensar. Que la corrida ne soit pas acceptée. Forma de pensar del barcelonés es muy diferente. Parce que la façon, le mode de pensée du barcelonais est très différent. Oui, j'aurais aimé savoir s'il avait des contacts, notamment avec PAC Europe et Europa y la Alianza si ya trabajaste con ellos o estás trabajando con ellos. Sí, conozco a la gente del CRAC, del FLAC y, je connais le CRAC, le FLAC y de la Alianza. Et l'Alliance, ouais. Pero nunca tuvimos una relación fluida con respecto al trabajo. On n'a jamais eu vraiment une relation très fluide par rapport au travail. Son las relaciones de los diferentes grupos en Francia no son buenas. Les relations entre les différents groupes ne sont pas bonnes en France. Entre estos tres grupos es muy malas. Elles sont très mauvaises entre ces trois groupes. Yo personalmente antes de trabajar en algún país. Personnellement, moi, avant de travailler dans un pays. Les pido que primero arreglen sus problemas. Je demande que avant ils règlent leurs problèmes. Porque no tiene ningún sentido trabajar si no se arreglan los problemas. si on n'a pas réglé ces problèmes-là, ça n'a aucun sens de venir travailler. Es perder el tiempo, el dinero. Si ça va perdre son temps, son argent. Es el primer paso. No podemos dar el segundo si no dimos el primero. C'est la première étape. Si on n'a pas fait ce premier pas, on ne fera pas le deuxième pas. Y hay veces que las organizaciones creen que la forma de solucionar los problemas es ganarle al otro, c'est de gagner contre l'autre, ganarle y echarlo del movimiento. L'exclure en mouvement. Y esto no es una empresa, aquí no puedes echar a nadie. Ça, c'est pas une entreprise, hein. On ne peut pas virer qui que ce soit. Por lo cual, no te queda otra que sentarte y dialogar. Y a pas d'autre solution que de s'asseoir et de dialoguer. Y esto en Francia creo que todavía no ha pasado. Et je pense qu'en France, ça n'a pas encore eu lieu. De todos los países donde hay corridas de toros que conozco el movimiento, Francia es el lugar donde peor se llevan las organizaciones. La France es el lugar donde las organizaciones son las peores. Enfin, es el lugar más crítico. La primera vez que hice, yo llevaba 3 meses en el movimiento. Hace 3 meses que llevo en el movimiento. Y la gente de FLAC nos pidió que fuéramos a ver al embajador francés en Barcelona. Les gens du FLAC m'ont demandé si on allait voir l'ambassadeur français à Barcelone. Yo fui a verlo. Et donc j'ai été le voir. Hicimos una protesta en la puerta de la embajada. On a fait une protestation devant l'ambassade de France à Barcelone. Llegué, hicimos la protesta, colgamos un video en internet. On a fait l'action de protestation devant ça. On a fait une vidéo qu'on a mis sur internet. Y cuando llego a mi casa y bajo los correos electrónicos. Donc quand j'arrive à la maison et je regarde les courriers électroniques, je suis. Tenía insultos por parte de otro grupo francés por haber trabajado con ese grupo. J'avais des insultes des autres groupes français anti-corrida parce que j'avais travaillé avec le FLAC. Yo no los conocía a nadie, ni a uno ni a otro. Je connaissais personne, ni l'un ni l'autre. Donc ce qu'il avait reçu avec cette action-là, c'était. Gente que me escribía diciendo pensé que éramos amigos. Ouais, moi je pensais que ceux qui viennent d'écrire, je pensais qu'on était plutôt amis en fait. Mais... Yo soy amigo de los toros. Moi je suis ami des toros, ouais. Entonces, es imposible. Que se pueda desarrollar un pensamiento completamente nuevo hacia un avance significativo. C'est impossible de pouvoir concevoir si un significatif si on passe du temps à se bagarrer, à se chamailler. Ouais. Je ne vous ai rien dit de nouveau, hein. il n'y avait pas de scoop hein, là-dedans. Pour le voir, el aplauso es para ustedes. Voilà, l'applaudissement c'est pour vous-même. Je sais. Ouais, Charlotte, t'as entendu. Du coup, ça dévie un peu, mais. Enfin, je voulais juste savoir si la position de la corrida était, comme vous planifiez tout, si c'était dans la planification de l'abolition de la viande. Ça faisait partie des étapes pour vous. Perfecto, muchísimo. Es para usted que habían pensado que la abolición animal era una etapa de la abolición total de todos los animales. ¿Te has dicho abolición animal? ¿En qué perspectiva? Abolición de la viande, de la carne. ¿Es que qué? Si lo tienes, quisieran tener la fotocopia de su planificación para la abolición de la carne. Si ya lo tienes, que estamos interesados. No creo que... No lo tengo por escrito. No, je l'ai pas de forma escrita. Pero... Creería que sí, en cierta medida. J'ai envie de te dire que oui, d'une certaine façon, c'était planifié dans la perspective de l'abolition de la viande. Creo que está profundamente relacionado. C'est en relation profonde. Mira, cuando... Fue todo el debate sobre las corridas de toros en Cataluña. Oui, il y a eu tout le débat sur la corrida, sur l'abolition de la corrida. Durante 3 años. Pendant 3 ans. Estábamos en todos los medios de comunicación. On était dans tous les. En todas las televisiones. Sur toutes les télévisions, tous les médias, on le retrouvait. Constantemente. De façon constante. Y el debate sobre el consumo de carne no lo sacábamos nosotros, lo sacan los taurinos siempre. Et le débat sur la consommation de viande, nous, c'était pas nous qui le mettions sur la table, c'était les pro-corrida qui le qui le ramenait sur le... Et aquí hay un punto muy importante. Là, il y a un point très important. Cuando antiguamente salía el debate sobre el consumo de carne en un debate antitaurino. Quand auparavant, il y avait la question de la viande qui était mise dans un débat de corrida. Yo no me sentía identificado con la forma en la que solían responder los antitaurinos. Moi, je me ressentais vraiment pas identifié à la façon dont répondaient les anti-corrida. Muchas veces los antitaurinos solían justificar el consumo de carne. Les anti-corrida justifiaient la consommation de carne. ¿Por qué lo hacían? ¿Porque sean malos con las vacas? No. C'est parce qu'ils étaient mauvais, méchants avec les vaches. Lo hacían de forma estratégica. Ils le faisaient de façon stratégique. Para tener más voluntades o más gente de acuerdo con lo que diga. Pour avoir plus de gens d'accord et plus de volonté pour avec eux, en fait. Ils pensaient que s'ils se prononçaient. Así todo, yo siempre pensé que esto era un error. Et donc, je pense que c'est une erreur. Hein, c'était une erreur de leur part. Nosotros en ese sentido cambiamos la forma de responder. Donc, d'une certaine façon, on a changé la façon de répondre sur ce point. Y lo que decíamos era, bueno, yo venía aquí a debatir sobre corridas de toros. Bah, moi, je venais, c'était pour débattre sur la question des taureaux, de la corrida. Pero me alegro que usted me diga esto porque me ayudará a sensibilizar a más gente con otro ámbito de la explotación animal. Mais bon, je me réjouis que vous posiez cette question puisque ça va me permettre de sensibiliser d'autres personnes sur un autre domaine de l'exploitation animale. Y aprovechaba y usaba un minuto para explicar lo que es la explotación del consumo. Voilà, donc je tirais profit de pendant une minute, je parlais de la consommation carnée. Y yo decía, yo estoy seguro que toda la gente que está viendo este programa no podría matar un animal con sus manos. Je suis sûr que tous ceux qui sont en train de regarder le programme en ce moment, ils ne seraient pas capables de tuer un animal de leur propre main. Y eso habla muy bien de esas personas. Et ça parle très très bien de ces personnes-là. Y eso lo hace diferente a un torero que sí puede. Et ça fait la différence d'un torero qui, lui, en est capable. Entonces, yo decía, aprovecho para pedir a la gente que reflexione sobre cómo consume y si eso tiene que ver con sus valores. Et voilà, donc j'appelle à ce que les gens qui regardent cette émission voient en quelle mesure c'est en accord ou pas avec leurs valeurs, leur consommation est en accord ou pas avec leurs valeurs profondes. Aprovecho para pedirles que tomen alguna decisión en este sentido también. Et donc je vous invite, j'en profite pour vous inviter à prendre une décision. Pero esas son decisiones individuales. Ce sont des décisions individuelles. No son decisiones sociales. Mais ce ne sont pas des décisions sociales. ¿Cuál es la diferencia entre una decisión individual y una social? C'est quoi la différence entre une décision individuelle et la mayoría social que apoya una y la otra. La majorité sociale. Por lo cual, yo vengo aquí a hablar de corridas de toros para que tomemos decisiones sociales. Donc là, je viens sur la question de la corrida pour comprendre prenne des décisions sociales. Y la decisión social, la decisión colectiva, se toma mediante las leyes. Et cette décision sociale se prend face aux lois, par les lois. De esta manera nosotros conseguíamos en un programa de máxima audiencia. Dans un programme de grande audience, on réussissait hablar de cuestiones de la explotación para el consumo, sensibilizar a las personas. À évoquer donc des questions de consommation, à sensibiliser les personnes. Pero seguir justificando que las corridas pueden prohibirse, incluso que sigamos consumiendo carne. En indiquant bien qu'on pouvait interdire la corrida en continuant consommer la viande. Incluso que el ser humano siga consumiendo carne, la corrida puede prohibirse mientras tanto. Voilà. Même si les gens continuent de consommer de la viande, on peut quand même interdire entre-temps, je ne sais pas si c'était parfait, mais la corrida. ¿Se entendió? Non, c'est tout le monde. Pregúntale. T'as compris, Charlotte? Oui. Oui, on peut interdire la corrida sans interdire la viande. C'est ce que je pense que tout le monde a compris plus ou moins. Par exemple, quand on a gagné. Quand on a gagné la iniciativa. L'initiative. Le 28 de julio. Donc le 28 juillet. En la semaine suivante. La semaine suivante. Todos los medios de comunicación hablaban del veganismo. tous les médias parlaient du véganisme. Porque decían quiénes son los veganos que consiguieron esto en Cataluña. Qui sont ces véganes qui ont obtenu cette abolition en Catalogne? ¿Qué quiere decir ser vegano? Et qu'est-ce que ça veut dire être vegan? Y salían doble página en todos los diarios. Il y avait double page dans tous les más importantes. Les quotidiens les plus importants. Salía hablando del veganismo. Et ça parlait du véganisme. Y eso no había pasado antes, nunca. Et ça s'était jamais produit auparavant. Por lo cual, no solo conseguimos la abolición de las corridas de toros. Pour cela, on n'avait pas seulement réussi à obtenir l'abolition de la corrida de toros. Yo pienso que conseguimos algo mucho más importante. Mais on avait obtenu quelque chose de beaucoup plus important. Que es mantener en la esfera pública. De maintenir dans la sphère publique. En la agenda pública. Dans l'agenda, le programme. El debate sobre el sufrimiento de los animales. Le débat sur la question de la souffrance animale. Porque lo importante es que haya un debate constante sobre el sufrimiento de los animales. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un débat constant sur la question de la souffrance animale. Por lo cual, cualquier acción que tú puedas hacer. Donc, n'importe quelle action que tu que mantenga faire, vivo el debate. Qui maintienne vivant ce débat. Del sufrimiento de los animales, de los animales como seres sintientes. Voilà, le débat sur la sensibilité animale comme des êtres sensibles. Sin ningún lugar a dudas, va a ayudar a la abolición de la carne y de cualquier otra explotación de los animales. Ça va aider, quoi qu'il en soit, à l'abolition de la viande et de toute autre sphère d'exploitation animale. Es más, mucha gente cuando empezamos la campaña antitaurina en Cataluña. Donc beaucoup d'entre nous, quand on a commencé la campagne anti-taurina. Nos decían, ¿por qué destinar tanto tiempo, tantos activistas, tantos recursos? Pourquoi se consacrer autant de temps, autant de militants doivent se consacrer para ayudar a tan pocos animales. Pour aider si peu d'animaux. Si podríamos ayudar a muchos más. Si on pouvait en aider beaucoup plus. Si utilizáramos todos esos recursos. Si on utilisait toutes ces ressources. En hablar del vegetarianismo. À évoquer, à parler, à faire la promotion du végétarisme. Y yo les respondí, es que nunca se va a hablar tanto del vegetarianismo. On ne va jamais autant parler du végétarisme. Como durante esta campaña. Que pendant cette campagne. Y así fue. Et ça a été, c'est ce qui s'est produit. Alors, oui, Hélène. Je ne sais pas trop comment le formuler, c'est de la pure curiosité. Est-ce pour la curiosité? Est-ce qu'il y a des ponts entre cette magnifique stratégie de salut et la crise en Espagne? Et la crise en Espagne. Vous êtes en difficulté en Espagne. Est-ce qu'il y a un rebondissement de l'un sur l'autre? Est-ce qu'il y a des conseils à donner pour alimenter le tout? C'est. Sí, definitivamente. Sí, oui, oui. Oui. como explicaba antes, hemos lanzado una campaña que se llama Pan y Toros. Como je l'ai expliqué auparavant, on a lancé une campagne qui s'appelle Du pain et des taureaux. Como una forma de recuperar el pensamiento del pan y circo de Roma. Bon, alors, une façon de récupérer le mode de pensée de Rome. Porque el pan y circo pain des jeux. Era mucho más que una reivindicación de un grupo de personas en Roma o de un pensamiento. C'était bien plus une revendication d'un groupe de personnes. El pan y circo en Roma nos hablaba de una situación de la escala de valores. Ça nous parlait d'une situation d'une échelle de valeurs donde el gobierno tiene influencia sobre el pueblo. Où le gouvernement a une influence sur le peuple, une façon d'influencer le peuple. Ustedes habrán escuchado muchas veces decir. Vous avez sûrement entendu parler. Decir que la sociedad está compuesta por el conjunto de seres humanos. Que la société, vous avez sûrement entendu dire que la société est composée de l'ensemble des individus. Y muchas veces van a escuchar lo contrario. Et vous allez souvent entendre aussi le contraire. Y es que los seres humanos están compuestos de sociedad. Que les êtres humains sont composés de la société. En realidad, no existen variables unidireccionales. Il n'y a pas de variables unidireccionnelles. Sino que se influyen mutuamente. Même qu'il y a une influence réciproque. En este momento en España pasa lo que pasaba en Roma, en la Roma del pan y circo. En ce moment, donc, en Espagne, il se passe ce qui se passait a Rome à l'époque de la Société du pain et des jeux. Donde mucha gente pide pan, pero se conforma con el circo. Où beaucoup de gens demandent du pain mais se contentent des jeux. Pero donde también esa política del Estado termina haciendo que la gente pida más circo que pan. De fait que la política del Estado influye para que la gente pida más circo. Voilà, que les gens, en fait, une influence de la politique du gouvernement pour que les gens demandent plus de jeux que de pain. En fait. Por lo cual hay una relación bidireccional. Donc, que nosotros tenemos que atacar de forma bidireccional. Donc, c'est une relation bidirectionnelle, on doit avoir une attaque qui soit. Exactamente. Por un lado, tratando de llegar a la masa crítica española, la masa pensante. On essaye d'un côté d'atteindre la masse critique populaire. Española, claro. Española. Y por otro lado, llegar a la presión política para que cambien esa política de valores. Voilà. Et faire aussi pression au niveau politique pour changer le système de valeurs. ¿Saben ustedes que en una ejecución política de un gobierno? Dans l'exécutif, l'exécution politique. Une exécution politique, sí. Une exécution politique, oui. Sí, la forma de hacer política por un gobierno. Le mode de ouais. Tiene muchas, muchas. Le mode d'action politique. Ramas diferentes. A beaucoup de branches. Una de ellas es la que menos vemos. Une d'entre elles, que celle qu'on voit la moins, es la política de valores. C'est la politique des valeurs. Et la politique des valeurs nunca es casual, siempre es planificada por un gobierno. Et la politique des valeurs n'est jamais accidentelle, elle est toujours planifiée. Lo que sucede es que la política de valores es el cimiento estratégico de un gobierno. La politique des valeurs, c'est le ciment stratégique du gouvernement. Y al ser estratégico no puedes verlo. Et comme la estrategia no se ve. Voilà, et comme elle est stratégique, elle ne se voit pas. La estrategia que se ve no es estrategia. La stratégie que l'on voit n'est pas une stratégie. Lo único que puedes ver son las tácticas. La seule chose que vous pouvez voir, c'est les tactiques. Que conforman esa estrategia. Qui composent cette stratégie. Y si yo veo que un gobierno como el español. Si je vois qu'un gouvernement comme celui d'Espagne. Recorta educación. Recorta. Reduce el presupuesto. Il diminue le budget de l'éducation. Reduce el presupuesto de sanidad pública. Il réduit le budget de des assainissements sociaux. Des services sociaux. Des services sociaux. Salut. Salut. La santé. Santé. Si ves que un gobierno reduce todo eso, pero aumenta, por otro lado. Si vois qu'on diminue ce budget-là, mais que par ailleurs, il augmente. El dinero público en corridas de toros. Les subventions, l'argent public dans les corridas de toros. Y si ves que la corrida de toros cada vez tiene menos público. Et si vois que les corridas de toros ont de moins en moins de public. ¿Cuál es la respuesta? Quelle va être la réponse? Hay una estrategia de valores. Une stratégie de valeurs. Que va 100% en contra del pensamiento que tiene nuestro movimiento social. Qui va 100% à l'encontre du comportement des mouvements de nos mouvements sociaux. Movimiento social. Y por eso tenemos que atacar muy fuertemente, tenemos que atacar esa estrategia de valores. Donc on doit attaquer de façon très très forte ce système. La política de valores. La politique de valeurs, système de valeurs. Y para atacar una política de valores. Et pour attaquer une politique de valeur, lo primero que hay que hacer la première chose à faire, es bajarle los pantalones al gobierno. C'est de baisser le froche du gouvernement. Y mostrar a la gente cuál es esa estrategia. Et leur montrer quelle est cette stratégie. Mostrar y demostrar. Montrer et démontrer quelle est cette stratégie. Si. On entend toujours les simples derniers arguments, en fait, comme quoi. Voy a dar primero unos ejemplos y luego una explicación. Je vais donner quelques exemples et ensuite une explication. En el año 2011, enfin, en 2011, en Barcelona, à Barcelona, funcionaron dos plazas de toros. Il y avait deux places de toros. Una haciendo corridas de toros. Une seule faisait les corridas. Sí. Y otra convertida. Et l'autre avait été transformée. En un centro comercial. En un centre commercial. La primera, la que hizo corridas de toros. La première qui faisait des corrélations generó générales. 2500 horas de trabajo. 2500 heures de travail. La que era un centro, la que se transformó en un centro comercial. Celle qui avait été transformée en centre commercial. Generó 850.000 horas de trabajo. Généra 850.000 heures de travail. Por lo cual, una plaza de toros en el centro de una ciudad importante como es Barcelona. Par conséquent, une place de taureaux dans un centre urbain comme Barcelone. No es una fuente de empleo, sino c'est lo contrario, un sacrificio. C'est pas une source d'emploi, mais c'est un sacrifice en fait. Porque están ubicadas en zonas muy importantes. Parce que ça se trouve dans des zones très très très importantes. Pero evidentemente hay más puestos de trabajo que los que están dentro de las plazas de toros. Bien sûr, il y a d'autres emplois que ceux qui sont dans la place des taureaux. Hay puestos de trabajo en las ganaderías. Dans l'élevage. Hay puestos de trabajo en las empresas que se dedican a organizar las corridas. Dans les entreprises qui sont là pour organiser les corridas. Hay los que hacen los trajes de toreros. Il y a ceux qui font les costumes. Hay el crítico taurino de un diario. Il y a le critique taurin d'un journal, d'un quotidien. Nosotros proponemos. Esto intentaré que se entienda muy bien. Nosotros proponemos reconvertir el sector. On propose une reconversion de ce secteur. Los sectores en la historia de la humanidad se han reconvertido por muchas razones. Les secteurs se sont reconvertis dans l'histoire de l'humanité pour beaucoup de raisons. Por ejemplo, por la evolución tecnológica. Par exemple, pour la raison de l'évolution technologique. Imaginen ustedes que hubiéramos dicho que no era bueno que salgan las computadoras. Imaginez qu'on ait dit que c'était pas bien qu'il y ait des ordinateurs qui sortent, qu'on commence à avoir des ordinateurs. Porque Olivetti, el de las máquinas de escribir, se hubiera quedado sin trabajo. Parce que Olivetti, celui qui était dans les machines à écrire, allait se retrouver sans travail. Si nos hubiéramos opuesto por completo a la evolución tecnológica. Si on s'était opposé à l'évolution technologique. Hoy todavía seguiríamos con máquinas de escribir. On sera encore avec une petite machine à écrire. Pero no solamente la sociedad evoluciona tecnológicamente. Non seulement on évolue de façon technologique. También evoluciona éticamente. Mais il y a aussi une évolution éthique. Y toda evolución necesita una reconversión. Et toute évolution demande une reconversion. Una adaptación de los sectores a la época. Des secteurs à leur époque. Los primeros beneficiados en una reconversión de un sector. Les premiers qui bénéficient de la reconversion d'un secteur. Somos todos como sociedad en general. C'est toute la société, c'est nous autres tous en tant que société. Y los segundos beneficiados suelen ser los propios empleados de esas empresas. Et les deuxièmes qui en bénéficient sont los empleados, los trabajadores. Ceux qui sont employés de las propias empresas.